Deux secondes, j'aime. Faut que j'appuie sur le bouton, excusez-moi. J'ai envie de roter. On est bon ? Dans le micro, bien. Enfin, c'est bon, on est prêt, c'est passé. Bon, non, mais on est prêt. La nuance est importante. Enlève ta main, par contre, toi. Non, je suis bien comme ça. Non, s'il te plaît. Je vais pas passer 3 heures comme ça. Je vais te... Oh, mais et bienvenue dans l'épisode 11 d'Intérieur Nuit. Merde, j'ai pas lancé c'était le générique. Attendez, le générique. Menteur, menteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Nous avons transformé mon scénario en film pornographique. Moteur ! Allons-y ! Moteur ! Oh putain, moteur ! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 d'Intérieur Nuit. Salut ! Ouais, ça a commencé. Salut, un peu salut à tous. Bonsoir. Oh là là, quel enfer. Je déteste mon travail. Là, on nous entend là sur le générique là ? Non mais là c'est pas le générique, là c'est le début. Ah mais j'entendais la musique en arrière-fond. Oui, ça, okay, ça compte. C'est ça. Le petit jazz. Ok. Alors on est pro, hein. Donc on est dans l'épisode 11 d'Intérieur Nuit. Oui. On reçoit deux invités ce soir que je vais présenter incessamment sous peu. Bah maintenant en fait. Ah, c'était très peu. Il est étudiant en sociologie et il a un passe-temps un petit peu particulier. En effet, il crée de petites pastilles vidéo puis les diffuse sur l'internet sous le pseudonyme de Lector Infabula. Son vrai nom, c'est Alexis. Bonsoir Alexis. Essayiste, romancier, auteur du Suicide français, nous accueillons tout de suite Théophile Aubigne. on n'est pas couché, ton truc. C'était une vanne. Alors, c'était par contre, je veux pas dire, mais on est effectivement pas couché actuellement. Donc, effectivement. Voilà. Okay. Donc, ouais, bah c'est moi, c'est Alexis, c'est ça. Est-ce que tu peux en dire plus si t'as envie de rajouter quelque chose? Bah, la chaîne YouTube que t'as citée, Lector Infabula, j'ai fait des analyses de films, d'un point de vue un peu de la psychologie cognitive. Et voilà, ça fonctionne pas, donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous désabonner. J'ai regardé plaisir, les vidéos, c'est très bien. Il m'a fait découvrir, c'est très. Ah ouais, t'aimes bien? Bah, t'es le seul. moi, je parle à tout le monde. Hein. Nous, on adore. Je suis extrêmement. Bah, c'est bien, les gars, ça fait chaud au cœur d'être avec vous. Bah, on va passer une heure et demie à complimenter Alexis. Ou alors, on peut passer au deuxième invité. Le deuxième invité, il a une nouvelle coupe de cheveux, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode 3 d'Intérieur Nuit, c'est Adèle. Bonsoir Adèle. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Ah, on n'avait pas applaudi Alexis, pardon, bah j'enlève. Comment ça va Adèle? Bah ça va bien, moi j'ai pas de chaîne YouTube parce que ça fait genre 5 ans que j'en parle et j'ai jamais rien fait. Mais sinon ça va. Et bah, ça passe. Formidable. et on a un plus un. On a un plus un, mais ce n'est plus un invité, c'est presque. Bah non. C'est une partie intégrante de l'émission maintenant. C'est Louis, bonsoir Louis. Bonsoir Louis. Je tiens à dire que c'est le début le plus chaotique qu'on ait fait depuis le début de. Non, mais ça va être marrant. Podcast. Ça va être marrant. Chaotique. Ça annonce la couleur. Ouais, un peu. Vous allez voir, ça va être marrant quand ça a commencé avec. Mets pas ta main là, s'il te plaît. Ça va être marrant. Alors, je vais demander à l'un de vous deux de raconter le concept de l'émission. C'est toujours comme ça que ça commence, même si on l'a pas fait depuis longtemps. Ça fait sans doute. Bah moi, je suis déjà passé un peu au grill, donc je propose que Alexis le fasse. Alexis, ça consiste en quoi Intérieur Nuit? Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Bah alors, Extérieur Jour, ça consiste à à parler de films, il me semble. C'est nul, hein, Extérieur Jour. C'est pas bon. C'est pour ça que c'est pas notre titre. Ça commence quand, du coup, l'enregistrement, les gars? Maintenant, c'est commencé. Ah, merde. Bah, c'est vous parlez de films et vous essayez de faire des blagues, non? C'est ça? Vous, pas toi, donc. Bah, pas encore, mais ça va venir. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais plus en détail, on... Vous écrivez un scénario. On décortique un genre littéraire. Ouais, c'est ça. Filmique. Voilà, ouais, je me trompe de médium. Voilà. Et bah, c'est exactement ça. Bravo, Alexis. Et donc, aujourd'hui, Antonin, c'est sur quoi qu'on fait cet épisode, l'épisode 11? Le film policier de Serial Killer. Très très long. Juste les films de Serial Killer, en pire. Bah, j'ai juste rajouté un seul mot, c'est pas si long que ça. C'est vrai. Moi, à mon avis. Vas-y Adèle. Moi je trouve ça important de faire la distinction, tu vois. Vous avez déjà fait un truc sur les films d'horreur, comme ça on s'aventure pas dans le slasher et tout, tu vois, on reste sur le film. Ah oui, surtout pas les slasher, attention. On a fait justement, parce qu'en fait, j'explique, à chaque fois qu'on a un invité, on demande un peu quel genre de film il voudrait parler. Et Et Alexis, qui est ici présent, je lui ai demandé et il m'a répondu qu'il voulait faire soit sur les films d'horreur, soit sur les films policiers. Enfin, il t'a répondu ça après t'avoir insulté, mais d'où tu m'insultes, et, espèce de grosse merde. Enfin, c'est... J'ai pas compris. Oh, ça coulait de source, hein, je pense. Moi, j'ai compris, mais c'était... ça m'a juste pas fait rien, en fait. Bah, c'est... En tout cas, Alexis, c'est un super invité. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pensé que... Qu'est-ce qu'il y a, Adèle? Rien, Alexis me tapait dans le dos avec sa main depuis le début de l'émission. C'était super agréable. Décidément, Alexis. Petit chenapan ce soir. Le Weinstein quel de homme, la radio. Quel homme. Harvey. Bref. Quel homme. Et je sais d'ailleurs, c'est quand son procès à lui? C'est passé ou pas? Ah bah vas-y, parlons d'actu. Jacques Chirac est mort. Bah, c'était censé être mon intro d'ailleurs. Ouais, qu'on a pas fait. Heureusement qu'on l'a pas faite. Et qu'on a, que j'ai c'est sauté mieux. Ça. Je sais plus où j'en étais en fait. Quelqu'un peut là, on parlait des films de. Oui, de parce qu'il m'a demandé de faire soit les films d'horreur, soit les films policiers. On a déjà fait les films d'horreur. Et les films policiers, on a fait une tentative qui n'est pas sortie. Avec Louis d'ailleurs. Avec Louis qui est ici présent. Et du pourquoi coup, c'est pas sorti? Parce nul que à chier. Ouais, nul à chier. Ah, c'était vraiment pas drôle quoi. Pas drôle. Bah, c'était ni drôle ni intéressant. Donc, ouais. Ah ouais. Donc j'ai dit bon, là, non. Et on peut coup, savoir le nom des invités? Tu veux leur adresse aussi? Ouais. Okay. Et du coup, voilà, je me suis dit que le juste milieu entre les films d'horreur et les films policiers, c'était les films de serial killer en général. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, mais j'aime bien. C'est une bonne explication. Ouais. Et du coup, maintenant, on peut commencer à parler des films de serial killer qu'on aime bien. Ouais, pour essayer de les définir, pour à partir d'exemples. Définir qu'est-ce qu'un film c'est une émission intellectuelle. Exactement. Quels et sont les films cultes? Je parle tout comme suite, ça. Je commence par Adèle. Ah, ok. Ah, faut être tout à côté. Je te regarde. Non, grave, vraiment. Cool. Ok, bah justement, moi j'ai dit que là j'ai voulu me concentrer sur. Enfin, je fais une petite sélection. Faut dire la vérité, moi je me prépare pour cette émission. C'est faux. Et j'ai voulu me concentrer en évitant les slashers justement, puisque j'avais pas forcément envie de parler de films d'horreur ce soir. Donc en évitant les. J'adore les Halloween, les screams, tout ça, mais j'ai pas envie de parler de ça ce soir, donc je vais rester sur plus le film policier, le thriller, le film d'enquête, des choses comme ça, quoi. On a trop de bonnes mains, quoi. Ouais, ouais, c'est une émission où on fait des choix, faut dire la vérité. Rondement mené. Et donc, comme ça, j'avais marqué Zodiac et Seven de David Fincher. Si tu pouvais éviter de tout citer ce qu'il y a sur ma liste, s'il te plaît. D'ailleurs, j'ai revu Seven cet après-midi pour les bienfaits de l'émission. Alors ouais, je te laisse parler, mais il est excellent. Okay. Attention. Oh là là, ça va être polémique. Attention. Ouais, en vrai non, bah si. C'est hyper bien filmé, mais et on voit bien c'est quand même un peu gros. En fait, quand tu le revois aujourd'hui, tu te rends compte que il y a quand même des scènes la meuf où enfin, il y a des histoires d'une meuf qui s'est fait violer avec un gold ceinture avec un poignard au bout, ça fait un peu série B quoi par moment. Ouais, c'est très c'est un peu over the top à certains moments. Après c'est la réalité de la société la américaine. La fin est exceptionnelle. Ouais, c'est la réalité. Donc la seule qualité que tu as trouvé à dire sur Seven, c'est que c'est bien filmé. Non, c'est bien filmé dans le sens c'est hyper, on voit bien l'action. C'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien pensé, mais bon, on va parler d'autre chose puisque voilà quoi. Non, c'est hyper bien. Ça m'a saoulé, c'est bon. Non, c'est bien, mais je l'ai revu cet après-midi et c'est un peu en dessous de finalement le. Oui, oui. Et quand on voit les films, quand on a vu plein de films de serial killer après, tu vois, ça remet un peu le truc en cause. Quoi. Après, faut le replacer dans son contexte, quoi. Tu vois, le coup du serial killer qui se livre, etc. Je sais pas d'accord. Si c'était un. C'était... Non, mais c'était un trope. Les 30 dernières minutes sont exceptionnelles. Les 30 dernières minutes sont exceptionnelles. Ouais, c'est génial, la fin est ouf. Par contre, je veux juste, pour pas perdre le spectateur, c'est un film avec un serial killer avec Brad Pitt et Morgan Freeman qui enquêtent, etc. Ça devient un peu personnel. Franchement, je vous recommande de le voir. Voilà. Ouais, contrairement à ce qu'a dit Adèle, c'est vraiment très bien. Non, ouais. De toute façon, David Fincher. Non, mais c'est quand même super bien. David Fincher, c'est super bien en général et on peut le recommander. Donc après, évidemment, American Psycho avec Christian Bale, son seul bon rôle. Voilà, comme ça s'est dit. Waouh. Il a jeté un pavé dans la mare. Le silence des agneaux. Bon, bah ça, est-ce qu'il y a besoin de le présenter quoi, c'est vraiment le film quand on parle serial killer. Alors, pour moi le silence des agneaux moi, j'ai un truc dans le silence des agneaux dans le 3 les aigles ils auraient pu les aider J'ai pas la rêve, je l'ai pas vu. Le Seigneur des Anneaux, le silence des agneaux, voilà. J'ai pas vu, mais ça dure 3h30, c'est ça. Ah, nique ta race, putain. Je te déteste déjà. Sinon j'ai pensé au récent Le Dain de Quentin Dupieux, qui est pas un film de serial killer. C'est vrai que c'est un film de serial killer quand on y pense. Pas de spoil, pardon. Et c'est sympa. Voilà. D'accord. À Psychose, évidemment, d'Alfred Hitchcock. Waouh, mais là tu fais que du name dropping. Ouais. C'est... ouais, ouais, non, tu veux que je parle vraiment. Ouais, ouais, ouais, t'as raison. On essaye en profondeur de 1. T'as raison, faut que j'arrête de name drop. Ouais, bah Psychose, c'est génial, voilà, allez le voir au cinéma, ça passe encore. J'aime pas Psychose. Mais on t'a pas demandé ton avis, espèce de bouffon. Eh bah, explique-moi, vas-y, chacun dit. Moi, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas Seven, mais je trouve Seven moyen, vas-y, toi pourquoi t'aimes pas Psychose? Parce que j'aime pas. Voilà. Alors, vous rendez compte, on va se descendre par déjà la moitié des gens qui aiment Seven et l'autre moitié qui aiment Psychose. Mais moi j'aime les deux. Hein, donc, mais moi j'aime pas Hitchcock, ouais, donc de base. Okay. Ah ouais, ok. Ok, on fait ça comme ça du donc coup. Donc on est là pour inventer le cinéma en fait. Voilà, c'est ça. Mais. Quoi, les grands classiques? Mais vous avez le droit, hein. Pff, nul. Et pour Kubrick sur côté. Non, à part Citizen Kane, je veux dire. Pour parler de trucs un peu plus niche, on va dire, tout ce qui est le cinéma coréen, de thriller, etc. Ouais, genre J'ai rencontré le diable, The Chaser. Memories of Murder, j'ai pas encore vu. Mais c'est pas vraiment un film de serial killer. Là, c'est pour le coup, c'est un film policier. Alors, c'est vraiment un film policier, mais sur un serial killer. Ouais. Oui, si tu veux, mais c'est vraiment secondaire par rapport aux intrigues, aux relations entre flics, etc. Tu vois, c'est pas le centre comme dans un Seven. En fait, je veux pas m'imposer, mais si on fait que name dropper et dire « Ouais, alors, ce film, bon voilà, les gens vont pas s'y retrouver. » Memories of Murder, Alexis. Eh ben, je suis désolé de gâcher ton émission, Antonin. Bon, bah, vas-y. En fait, la vérité, c'est que je pensais passer après Alexis, qui aurait déjà parlé de tous ces films, parce qu'il a les refs. Et je pensais parler de trucs plus personnels. Donc, perso, moi, comme je suis un gros weeb, faut le savoir... D'accord. Je voulais vous parler un peu de ce qui se fait sur les serial killers en animation japonaise. Ah bah vas-y. Et il y a des trucs grave cool, je vous recommande notamment Erased. Alors Erased, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé d'une douzaine d'épisodes. Et le concept, c'est que c'est un gars qui peut, quand il voit un incident ou un accident qui amène à la mort de quelqu'un, il remonte dans le temps peu avant cet accident. Ah, et un jour, il est témoin d'un meurtre. Et en fait, ce meurtre est lié à une affaire de serial killer qui remonte à il y a plus de 15 ans. Et donc, il revient 15 ans en arrière dans son corps d'enfant. D'accord. Et c'est l'histoire de... Il y a une espèce de délire un peu détective Conan, mais c'est mieux fait que ça. Et il a donc sa compréhension d'adulte. C'est quand même très bien, détective Conan. J'adore. Ouais, c'est super, détective Conan. Ouais, Psycho, c'est de la merde, mais détective Conan, c'est différent. Bah oui. Chacun, c'est... Et du coup, il est dans son corps d'enfant avec sa... J'adore Oui Oui. Par contre, pour de vrai, niveau analyse scénaristique, Oui Oui, c'est très... Ah ouais, non, pas du tout, arrête. Ah bon, ok. Bah, j'ai cru qu'il y avait une vraie anecdote derrière, mais... Bah, c'est un peu over the top, oui, mais la façon de filmer qu'il a, quoi, c'est vraiment grave. C'est Darius Conji, Oui Oui, non. Et Fincher qui a réalisé le premier épisode de la saison comme toutes les saisons. Et après, c'est exactement ça. Donc voilà, je vous recommande vraiment Erased. C'est vraiment bien et ça parle de plein de sujets hyper intéressants. Et c'est pas très long en plus pour ceux qui aiment pas trop les animés hyper longs. Après, il y a Death Note évidemment, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais c'est un putain de truc de serial killer. Et c'est quand même genre vraiment toute mon adolescence et Death Note et Like Yagami, c'est le meilleur. Ouais, j'ai dû le lire 4 fois. Ouais, ouais, c'est un putain de classique, tu vois. Bah oui, écoute, non mais Moi je sais pas lire. Et Death Note, c'est un mec qui tue des gens avec un cahier, comme le début de John Wick 3, mais pas pareil. Ouais. Pas pareil. Tu l'as écrite celle-là, non? Je l'ai pas du tout écrite celle-ci. Ah ouais. Je suis un génie d'impro, mec. J'allais dire, moi le mot qui me sortait de la bouche, c'était génie. Mais bon. Et donc putain, les invités, c'est qui tes invités de merde là? Aïe. Coup dur pour Guillaume. Wow, je croyais que celui-là on l'utilisait plus. Ouais, mais j'ai changé d'avis quand il a fait ça. On va passer à l'invité numéro 2. L'invité numéro 2, le deuxième. Alexis. Bah, je crois que t'as recouvert un peu tous les films de serial killer qui m'avaient marqué. Adèle. Bah parle-en, puisque ce qui paraît c'est chiant quand je fais du name dropping. Ouais. Émission de fils de. Moi je vais rentrer dans les détails et ça va passionner tout le monde. Du coup, Seven, moi j'aime beaucoup. Alors certes, je suis d'accord, le coup du God ceinture, c'est peut-être un peu over the top. ça va être une émission sur Seven finalement. Moi, j'aurais pas fait ça, mais bon. Mais après, ouais, non, comme tu dis, la façon de filmer, toute la scène finale. Celle dont on peut rien dire parce que non, c'est. Voilà, donc on va pas en parler finalement. Hey, super. Donc je prétendais être meilleur qu'Adèle, mais finalement je vais pas trop rentrer dans les détails. Grosse analyse du coup. Et Seven, Zodiac aussi, parce que David Fincher, mine de rien, c'est un type qui a beaucoup de films autour des serial killers. Mm-hmm. Enfin, ouais, je crois que c'est un truc qui le passionne assez, les thrillers en tout cas. Ouais. Et ce qui est très intéressant aussi. Ouais, bah, ouais, voilà, putain, exactement. J'ai oublié, carrément. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est assez intéressant de voir ses premiers films, genre Seven, Fight Club, etc., et de comparer avec ce qu'il a fait à partir de The Social Network, il me semble. Oui, c'est pour ça que, moins, c'est pour ça que véritable... ça me paraît un peu over the top maintenant, parce que c'est quand même beaucoup plus subtil, David Fincher, maintenant, ce qu'il fait, tu vois. Que... Mais c'est pas une question, Sex Seven n'est pas subtil, c'est juste que c'est un style différent, tu vois. C'est plus, le God ceinture poignard, mon gars. Après, surtout... Bah, oui, non, c'est un autre délire, Mark ça parle Kurt pas. C'est un autre c'est pas la même chose. Et du coup, je sais pas, tu parlais en même temps, là. Oui, il a dit que Mark Zuckerberg n'a tué personne. Oui, parce que, c'est pas un film parce que vous monopolisez la parole. Donc, je me suis dit que vu que c'est mon émission, bon bah on va partir très vite. Hein. On va s'en aller à toute vitesse. Non, mais alors oui, je te l'accorde, Mark Zuckerberg n'a tué personne, mais par contre dans Zodiac il y a des meurtres. Et je parle c'est de vrai. Zodiac et The Social Network parce que c'est vraiment, je pense, il y a un style qui est un peu commun aux deux films. Mm-hmm. Et Zodiac par exemple, quand on compare à Seven. Il y a un véritable changement, il y a un tournant beaucoup plus réaliste. Et Zodiac, par exemple, c'est un film que j'avais vu qui m'avait pas trop marqué. Je l'avais vu quand j'étais jeune. Et c'est le genre de film qu'on revoit et dont on apprécie de plus en plus les qualités, je trouve. Et par exemple, la façon de traiter le sujet, un truc un peu à la Memories of the Murder, où à la fin, il y a un doute qui subsiste, on a eu des indices contradictoires et il y a un côté, on frustre le spectateur en lui donnant pas la réponse. Un peu un truc... Genre l'histoire, elle a une fin, ouais. Mais elle pourrait avoir toute autre fin et le spectateur imagine... Exactement, tout à fait Augustin. Et du coup, ce qui se passe... C'est que... la prochaine fois, c'est un carton jaune. Il n'y a pas de souci, Corentin. Et du coup, ce qui se passe dans le reste... Ce qui se passe dans le reste du film, c'est que voilà, on suit un petit peu les enquêteurs, et comme dans tous les bons films policiers, ce qui nous inquiète, ce qui nous importe, c'est pas forcément l'enquête en elle-même, c'est plus les relations entre personnages que ça va susciter. De ce point de vue-là, même si c'est pas une série de serial killer, je pense beaucoup à Twin Peaks. Là, on sort un peu du truc, mais c'est une série avec un meurtre au début de la série. Quoi. Donc, pas serial killer, juste killer. Tout à fait pas, mais c'est bien, j'arrive pas à parler français. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans cette série, il y a un meurtre au début, mais finalement, pendant toute la série, on n'en a plus rien à foutre du meurtre. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment les relations entre personnages que ça a suscité. Et donc voilà, dans Zodiac, on voit par exemple le journaliste qui s'intéresse à l'enquête devenir complètement fou, obsédé par le truc. Ouais. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est voir comment des personnages réagissent à des événements qui sont assez extrêmes et troublants. Quoi. Mais je pense que t'as dit un truc intéressant, c'est qu'on peut quand même distinguer... Tout ce que j'ai dit est intéressant, Adèle, en fait. On peut distinguer deux, je trouve qu'on peut distinguer deux courants qui sont assez bien, tu vois, genre, on parlait de Zodiac et de Seven. Pour moi, il y a deux gros courants dans le film de serial killer. Il y a celui qui s'intéresse plus à la morbidité des meurtres, etc., qu'on peut trouver dans les Hannibal, les délires comme ça, tu vois, ou dans Seven. Et il y a celui qui est plus psychologique, qui est plus intéressé à l'enquête et à la relation psychologique entre les personnages. Ça veut pas dire que c'est contradictoire et que là, Seven, par exemple, mais il y a quand même deux courants. Mais Seven, parce que je vais commencer à parler en premier, en fait. Ouais, mais je vais quand même te couper, du coup. Bah, d'accord. Et t'inquiète, y a pas de souci. Ouais, je te déteste. Moi, je t'aime bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans Seven, la relation entre personnages est très présente, par exemple. C'est quelque chose qui est central, c'est la relation entre les deux flics. Donc ta dichotomie est un peu bancale, je trouve. Okay. Non, mais il y en a qui se concentrent plus sur l'un que sur l'autre. Mais par exemple, tu citais Hannibal, qui est la suite du Silence des Agneaux. Je parlais de la série, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Bah, parce que moi, je parle de film, parce qu'on parle de film, mais bon, non. C'est pas grave. Ouais, allez. Une mauvaise ambiance ici. Ouais, l'ambiance est électrique. Je vais. Ouais, Théophile, passe. Ah, bah tiens, on a le son de mes mails aussi. C'est l'avantage d'être connecté à ton ordinateur. Bah alors. C'est la vente des gods. Ils demandent de mettre ton avis en nombre d'étoiles. Putain, non. Mais surtout non, qu'on n'enregistrait pas quand on parle. Ah oui, c'était pas dedans. Du coup, on aura juste une idée. Que... Bah voilà. On laissera les auditeurs tirer leurs conclusions. J'achète des gods pour les revendre et faire un bénéfice. Alexis, est-ce que je peux te demander de d'écarter un peu le micro parce que tu c'est trop fort. Non, c'est pas trop fort, c'est que ça. Ta voix me dérange. Ça pop. Tu sais, ça fait. Ah, désolé. Comme si tu faisais du beatbox. Mais mal. Yeah. Laisse-moi sur un alors, beat, gars. C'est bon, t'as fini de parler? Ouais. Louis. Ma bouche, en fait, ma bouche formule plus elle les mots. Elle est terrible, donc, c'est cette émission, genre. Non, mais. Moi, j'adore. Mais c'était pas du méchamment. En vrai. C'était pas du méchamment. J'adore quand on s'insulte, c'est vraiment drôle. Louis, vas-y, face de chien. c'est agréable. J'ai chaud. Non, moi, je vais continuer dans l'aspect chaotique qu'a cette émission aujourd'hui. J'en ai vu aucun. Ah d'accord. Et voilà. Bah, oui, tu peux te taire. Et... voilà. Bah, bah, Louis, et pourtant, je me dis en entendant votre résumé de Seven que j'ai raté quelque chose avec des histoires de God ceinture et des trucs bizarres. Donc, c'est marrant que tu pas. Le dis. Le God a l'air d'être un élément récurrent dans ce podcast. Dans ce ça podcast. Pourrait être notre fil rouge. Et les ceintures. C'est l'un et l'autre. Oui, oui, le God, le God. On peut partir sur un truc sur le God. Allez, hop. Bah, bon, ouais. Non mais t'as pas des films de serial killer qui te viennent en tête comme ça Pas du tout, genre je suis très peu porté déjà sur le par exemple sur le style. Moi je suis là pour vous enregistrer à la base hein. Si vous voulez pas de moi je me casse hein. Non mais allez arrêtez Bah Antonin. Ah bah moi d'abord. Chips. Non toi d'abord. Ok. Bah, moi j'avais fait une petite liste mais du coup ils ont dit les trois quarts de ce que j'avais mis sur ma liste. Vas-y, ça fait... il en reste un quart. Bon, la moitié. C'est deux films, Peur sur la ville et Aime le maudit, qui sont beaucoup plus vieux. Ils ne sont pas dans la lignée des Zodiac et Seven, c'est pas exactement le même traitement. Peur sur la ville, c'est un truc de serial killer, mais... Donc ta spécialité, enfin, c'est de manger à chaque fois quand tu parles. Ouais, j'ai décidé d'être désagréable. D'accord. Non, mais comment dire... Peur sur la ville, je vais pas en parler trop, parce que j'ai pas trop de souvenirs, mais il est très bien. Ah, c'est avec Balmondo. C'est de Henri Balmondo. Varney. C'est avec Balmondo. Balmondo. Balmondo. C'est avec Balmondo. Balmondo. Bal. Et c'est pas drôle. Non, mais je l'ai eu plus tard. Je l'ai dans un autre jour. Et Aime le maudit, sur lequel je vais plus parler, qui est un très très bon film de Fritz Lang, qui est le réalisateur de Metropolis, entre autres. Oui. C'est bon, les branleurs cinéphiles sont sortis. Ah, bah, là, on rappelle, t'as fait on que rappelle, ça. On rappelle d'ailleurs. Non, mais le film est très bien, on a le droit d'en parler. J'aimerais rappeler que si ton film préféré, ce n'est pas Citizen Kane, tu n'es pas un vrai cinéphile. D'accord, voilà. Merci. Voilà. Enfin, quelqu'un qui est bref. Et donc, M. Le Maudit, qui est très très bien, qui suit une petite ville qui va devoir faire face à un tueur d'enfants. Un M géant. Un gigantesque M. Le sandwich de chez McDonald's. C'est le maudit. Le M de McDonald's maudit. Et pour rebondir sur M le maudit, ce que je trouve très très bien dans ce film, dans c'est sandwich. Que... ouais, ok. Allez. Donc on persiste et on signe. Okay. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que ça s'intéresse vraiment au serial killer. Alors je sais pas si c'est dit explicitement si le mec qui se fait pourchasser par toute la ville est le serial killer ou pas, mais il y a beaucoup d'indices qui nous laissent penser que c'est lui. Oh, bah, principalement qu'il s'appelle M et qu'il est maudit, quoi, comme le titre. Bon. Ah oh, putain. Ouais, tu m'as vu sur ce coup-là. Comme dans Arthur et les Minimoys. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on finit par avoir finalement plus d'empathie pour ce type-là, mm-hmm. qui semble oui. être le serial killer, parce que il se fait harceler, etc. C'est une véritable vendetta contre lui et sa vie est détruite. Oui, voilà, les fausses accusations, ça détruit des vies. Ouais. Les fausses accusations. Je vois pas à quoi tu fais référence. Non, mais je faisais référence à ceux qui se plaignent, voilà, du harcèlement. Tu t'es mis un petit hashtag MeToo autour de toi. Non, alors, on va couper ce passage au montage, mais en gros, ma blague, c'était de moquer des gens qui disent « Ouais, les fausses accusations, ça détruit des vies. » Alors qu'on vous avez compris. Moi, quand j'ai fait une blague sur la cuisine et que j'ai demandé à ce que ce soit coupé au montage, on l'a pas enlevé, donc je veux que moi, ce soit gardé. Je suis d'accord pour qu'on la retire pas. C'est pas moi qui faisais le montage à l'époque. Oui, c'était moi. Là, maintenant, c'est moi, donc c'est moi qui décide. Ah ouais, donc on est entre tes mains là. Oh, ouais. Mec. Si tu veux, tu fais un YouTube poop où je dis des atrocités. Ah bah j'ai pas besoin de monter pour utiliser des atrocités. Les femmes doivent aller à la cuisine, pour paraphraser allez, bah, certains. Ça par exemple, ça se regarde. Ça enregistre, je te rappelle. Ah. Bah, Théophile Eh bien, moi je vais. Bah, en fait, tous ceux que j'ai vus, vous les avez cités. Ouais. Même ceux que j'ai pas vus. Donc c'est formidable. Il y en a qu'un seul dont je peux parler. C'est The House That Jack Built. Mm. Je persiste. Ah ce oui, film. C'est bien ça. La maison que Jack construit. C'est bien que t'en parles, le film en lui-même est un peu moins cool. Ah oui. Moi j'aime bien ce film. Tuer des enfants pour rien. C'est pas c'est pour très rien. Drôle. C'est très très drôle. C'est pas pour rien. Non, non mais c'est, du coup c'est ni. C'est gratuit. Ni, c'est drôle. Ni horreur, ni. c'est. Ah putain, tu m'as perdu. Bah maintenant, on va falloir que j'explique le c'est gratuit. Ou pas. Pas forcément. C'est une private joke. En gros, c'est ni un film d'horreur, ni un film policier. C'est vraiment une espèce de comédie noire sur un serial killer qui tue des gens et qui explique en fait comment il fait. à travers des métaphores sur le monde de l'architecture, de la... De, non, j'allais dire la pêche, mais ça, c'est dans un autre film de Lars von Trier. De la branlette. Les couilles, c'est que tu t'emballes les couilles. Non, excuse-moi, c'est la branlette que nous fait Théophile qui m'intrigue. Bah, parles-en, toi. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, non, c'est... Là, pour l'instant, je racontais juste le film, donc... Non, mais sur le monde de l'architecture, etc. Ouais. Non, mais c'est pour expliquer le comment c'est fait. Bah, c'est mal. Dans le ouais, film. Ok, sûr. Non, mais vas-y, continue. Attends, je... ouais, bah, en fait, pour moi, c'est le... Pour moi, c'est un peu le propos du film, justement, de The House That Jack Built. C'est que le mec, en fait, compare les meurtres qu'il commet à des œuvres d'art et à des chefs-d'œuvre et à un mouvement de création originel, machin truc. Et en fait, tu comprends vite que. Enfin, c'est un peu un branlot, et que ce qu'il raconte, c'est carrément pas vrai, quoi. Et c'est ça qui fait que le film est un peu marrant et que tu peux le prendre avec beaucoup de second degré et que c'est pas juste un film horrible avec des enfants qui meurent, voilà. Oui, enfin, il y a quand même des images gore que tu peux éviter. Oui, je le recommande pas à tout le monde, c'est sûr. Mais oui, c'est pas genre juste un peu gore, c'est dur à voir. C'est pas non, méga ça choquant. Il y a des gens qui sont sensibles au. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais honnêtement, par rapport à d'autres films. Ah oui, c'est sûr. Seven, je trouve. Vraiment... Non, Seven, on voit pas grand chose. Non, c'est assez c'est suggéré. Hein. Ouais, c'est suggéré. Très suggéré, mais du coup, tu te l'imagines bien. C'est mal écrit. Ouais, je sais pas. Ouais, mais moi, ce que je trouve qui fait moins bien que par exemple un film qui s'appelle The Devil's Reject. Moi, je trouve que c'est une vraie merde. The Devil's Reject. Tout le monde me l'a vendu en me disant ce que tu vas probablement dire, c'est-à-dire oui c'est un film qui va subvertir ta morale parce que tu non, suis des non, gens non. qui sont des connards et tu vas finir par les aimer, c'est ça. Mais ça moi je porte pas de jugement sur les films. Non il allait pas dire ça du tout en fait. Tu l'as moi j'aime bien moi des coups. Moi j'aime bien. Mais non c'est pas ça, j'allais dire que enfin on prenait parti pour les gens qui ont raison de tuer d'autres. Non c'est pas oui, ça. Oui c'est reformuler ce que je viens de dire en fait. Non c'est pas du tout ça, mais je trouve qu'il le fait moins bien, c'est que. C'était l'inverse de ce que je pense en fait. En parlant des clowns tueurs, moi j'ai vu ça deux. Voilà, c'est de la merde. On peut continuer? Oui, on continue. Ouais, c'était vraiment de la merde, oui, mais on l'a vu ensemble. Oui, c'était bien. Et ça, c'était bien. Ouais. The Devil's Reject. Ouais, The Devil's Reject, tu peux l'aimer ou pas l'aimer, mais le film, au moins, a cette. Cette prétention de vouloir essayer de subvertir ta morale, pas juste en te montrant un gars qui fait ses trucs et en mode je me justifie ou quoi. Là, les gars, ils sont comme ils sont et c'est le film qui justifie pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi le film explique pas pourquoi ils sont. En fait, le. Non, mais pas le film, mais ce qu'on voit dans le film. C'est un peu l'angoisse mais... sartrienne finalement. Ah mais en fait, il t'explique pas pourquoi les tueurs font ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est ce que le film fait, il me semble, c'est te montrer un flic qui les pourchasse et qui est encore plus cruel qu'eux. Ce qui fait qu'en comparaison, tu te dis, ah bah ces mecs-là sont pas si horribles que ça en comparaison du flic qui les pourchasse. Oui. Mais en soi, à aucun moment, tu vois, ça donne d'explications à leur comportement qui pourraient te faire avoir de l'empathie sur ce mode-là, tu vois. Bah, toi peut-être, mais s'il y a énormément de gens qui l'ont reçu comme ça, c'est peut-être. Parce qu'il y a au moins. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de connards dans la rue. Ah, bah oui, ça doit être ça. Moi, je pense que c'est ça. On vous présente Alexis. Il est aigri. Et du coup, mais toi, tu l'as vu, The House That Jack Built, Antonin? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu ce début. D'accord. Non, mais moi, j'ai pas parlé du film. Tu nous as fait genre, c'était un film horrible et tout, tu l'as pas vu. Non, j'ai vu les images gore. Parce qu'on m'a dit que c'était dégueulasse. Alors, oui, d'accord. Bah après... moi aussi, je vais sortir des films de leur contexte. Ah, oui. J'ai reçu une blague, Antonin. Voilà. On va l'ouvrir en live. Ah, vas-y, lis-le en live. Et on va devoir caser. J'ai cliqué sur supprimer en plus. Ah putain, et on aurait pu mettre le contenu du mail dans le. C'était un dans truc le pour film. Une proposition de ménage pour faire du ménage chez Suchin. Ok, donc le. Et bah, le tueur au balai. Le tueur au balai. Le fameux tueur au balai. Kiki la sorcière. Non, et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais à la base. Bah rien, mais je pense qu'on a un peu fait énormément de name-dropping pour pas dire grand-chose, donc je pense qu'on peut passer à la catégorisation des films, quand même. La catégorisation, bah, les clichés, les tropes. Quels sont les tropes, les clichés des films de serial killer, Alexis? Dis-le tout de suite si on me fait chier. Non, c'est qu'Adèle, oui, vous me faites chier. Et en fait, comme t'as dit et ben j'ai pensé que t'allais dire Adèle. Et en fait, t'as dit Alexis. Et c'est vrai que nos deux noms commencent par A. Name. Excusez-moi, je suis un peu jet-lag. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Marrant, je pensais pas pouvoir te haïr encore plus, et là maintenant, oui. Ouais, mais tu sais que ça commence à devenir réciproque. Un petit peu. Et du coup, moi, au niveau des tropes, ceux qui nous intéressent le plus, je pense, si on veut construire un scénario, c'est bien sûr le modus operandi du tueur. Ouais. Tu parles énormément en latin pour quelqu'un qui se la pète quand même. Je fais de la socio, c'est pour ça. Mais je sais, j'ai compris. Et, il a une chaîne qui s'appelle Lector in Fabula. Je vais dire. Si t'as pas compris. C'est pour ça. Et du coup, le modus operandi, c'est la façon qu'a le tueur de tuer, sa signature. Ouais, c'est exactement. C'était la première ligne de mes notes. Ok. Donc on est complètement d'accord. C'est complètement faux. Concept, comment es-tu ? Ah oui, d'accord. Voilà. Alors je l'ai pas dit en latin. Bon. Zodiac 7, American Psycho. Psycho, j'ai rencontré le diable Death Note. Le sens d'animal, le diable. Adèle ! Ah, c'est marrant. Les clichés, on est au cliché. Chapitre 2 de mes notes. mais oui, tu as raison. Donc, redis ton mot en latin voilà. Modus operandi. Je l'ai bien dit. Modus operandi. Waouh. Mode. Ah, pas mal. <C'est> pas... Hey. il a compris en le redisant la vanne. Un peu bien. J'ai du mal à intellectualiser les choses. Donc ça marche comment votre émission? On en dit chacun, c'est ça? De quoi? De blagues. On dit une blague chacun et après, c'est fini. Hop, générique. Ah non, c'est trop long. c'est trop long. Non, moi ce que j'aime bien, plus un cliché qu'un trope pour le coup, c'est le profiling pété, tu vois. Genre quand ils font, ok, il a tué un garçon entre 8 et 9 ans et une femme entre 15 et 16 ans et qu'ils font, bon, bah ça veut dire que c'est un homme noir de 27 ans qui porte une casquette. En mode, tu vois, ils font des profiling hyper précis à partir de trucs de merde. Je sais plus dans les séries policières un peu nulles. Ouais, mais après il y a des bons moments un peu nuls. Il y a des bons moments de profiling. Et dans les séries, il y a beaucoup ça parce que ça se répète énormément. Mentaliste. Mais dans Mindhunter, il y a des super moments de profiling, tu vois, genre on peut en faire du bon comme du mauvais. Ouais, mais Mindhunter c'est une série par exemple. Donc ça me contredit pas ce que je dis. Ouais, grave. Non, mais par exemple, oui, t'as raison, mais c'est le lien qu'ils font entre les victimes qui est complètement foireux. Ouais, et que ça va très très vite en fait, tu vois, et qu'ils t'expliquent ça en mode on est des profilers, c'est normal, vous posez pas de questions. Et c'est ça que je l'ai mis aussi dans mes notes parce que je fais la promo de mes notes. Tu vas dire tout ce que t'as mis dans tes notes? Non, mais s'il te plaît. Ça va, c'est si t'en sais. Moi, dans mes notes, 100% polyester, it's show and Vietnam. C'est marrant ça comme note. Tu parles espagnol? Ah non, c'est sur ma casquette. T'as pas besoin de préciser. Ouais, en gros, j'avais mis que l'enquête elle est structurée en trois actes. En gros, t'as la phase où t'as un premier suspect qui paraît évident, c'est forcément lui, mais il a rien à voir. Non, mais. Pourquoi tu rigoles? Non, mais. Parce que c'est suspect, bon, c'est marrant. Chiez-moi dessus, quoi. Ça va plus vite. Non, mais le mot suspect. C'est ça qui te fait rire? Ah oui, il est trop. Attends, il y a suspect dans le même mot. Base... Il y a quand même un effet qui se coule qui est ouf. Parce que à la base, j'ai rigolé vraiment en me rappelant de cette vanne. Et puis après, j'ai rigolé parce que je me suis dit, maintenant que j'ai rigolé, il va falloir que je l'explique. Tu pensais à la blague suspense ou pas? Non, suspect, juste. Sus et paix. Vraiment tout simplement. Ok. Et on va être cinéaste. Non, pas du tout. Donc le premier suspect, hyper suspect, mais en fait il est innocent. Alexis Garcemer. C'est vrai qu'il a un peu une tête de. Ouais. Sale, qu'il a mais est-ce qu'il est innocent? Et merde. Innocent au moins du meurtre, Alexis Garcemer. Après ta morale, est-ce que tu fais de ta vie, j'en sais rien. Ensuite ça piétine. Donc c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est Antonin lui. Qui fait une blague. Bah je t'emmerde déjà. pas déjà, ça fait plein de fois déjà. J'adore. Non mais en vrai on s'adore, on se connaît pas. Donc ensuite ça piétine. Voilà, il y a plein de théories etc, mais ils y arrivent pas, ils ont pas le déclic tu vois. Il y a pas le ça là. Le mimimati. Voilà, c'est ça. T'as le mimimati. Et après du coup les crimes ils s'enchaînent. Moi je pense surtout à Seven et à Zodiac quand je dis ça. Et après, bam, il y a le déclic sur genre le dernier, la dernière tuerie qui fait « Mais ce tableau, il était pas à cette place-là !» Et il dit « Mais ça, il reconnecte tout, il fait du reverse engineering sur le... » Alors, reverse engineering. Reverse engineering, c'est quand tu étudies, je sais pas, par exemple, un téléphone, comment c'est construit pour, comment dire, pour comprendre à quoi ça sert. C'est-à-dire, quelle fonction... J'ai pas compris. Il y avait un exemple que Alexandre Astier utilisait dans son spectacle, c'est en gros Le mec regarde Alexandre Astier. Mais d'où tu parles en fait? On est avec des têtes. C'est pas marrant, mais il a crié donc c'est drôle. C'est comme ça que Non mais en fait ça me fait penser à ça parce que c'est comme ça que j'ai appris le terme. En gros ceux qui pensent aux soucoupes volantes, enfin ceux qui y croient, ils étudieraient ce qu'ils pensaient des soucoupes volantes et pour déduire à quoi ressemble l'extraterrestre, ce qu'il fait, etc., ils étudient la soucoupe, tu vois, comment elle est construite. Mm-hmm. Mais ça n'existe pas. Pour quel... Non, mais. Il n'y a pas de soucoupe. C'est pas le propos. Il y a 150 mecs qui sont allés dans la zone 51 au lieu de 2 millions, je peux te dire qu'ils n'ont rien trouvé. Ah oui, c'était drôle ça. C'était tout pété. Bah, ils n'ont pas réussi à rentrer surtout. Non, surtout. Ça a été remplacé par un festival de musique, en fait. Le plus gros pétard mouillé de l'histoire. Bah, c'était les Interceltiques de l'Orient, finalement. C'est exactement ça. Il y a Chamcham qui est allé. Le youtubeur qui reste 10 heures sur un banc. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je le connais pas. Bah, il a fait Chamcham, moi, j'en ai entendu parler. Mais il a pas des troubles neurologiques au bout d'un moment, lui? Je ne sais pas. Je pense que s'il en avait pas à la base, il en a maintenant. C'est comment son nom? Je regarde mais CEM. Bah, mets une vidéo en direct, vas-y. C'est pas celui qui est resté 10 heures devant un miroir aussi? Ouais, bah c'est ça, mais quel fou. On va écouter le son d'une vidéo de Chamcham. Et bah, let's go. Et bah super. C'est parti, on entre en enregistrement. Hop, alors. Et bah super, mon montage va être très très long. Je vais recouper 3/4 du podcast vu qu'on s'insulte tout le temps. Dire 100 000 fois Gotaga. Il va dire 100 000 fois Gotaga, par exemple. La pire vidéo d'internet. Là, il en est à 20 620 fois. La légende raconte que Gotaga apparaît dans ta glace à minuit. La vidéo dure 12 heures. Non. Sans montage. Et il fait des vidéos comme ça sans montage. Voilà. Mais là, tu veux dire qu'il est vraiment resté 12 heures d'affilée? Mais ça, alors dire 100 000 fois Gotaga, ça fait 796 000 vues. 800K. Putain. C'est vraiment mettre à ça. C'est à peu près 1000 fois plus que les vidéos d'Alexis Garcia. Dire 100 000 fois Lector Infabula. C'est un peu plus long du coup que Gotaga, mais. Du coup, je résume parce qu'on s'est perdu. L'enquête en 3 actes. Le premier suspect est hyper suspect, mais il est innocent. Ensuite, ça piétine et les crimes s'enchaînent. Puis déclic qui fait tout comprendre aux héros et résolution. Triste ou pas? Non, mais vous trichez aussi, vous avez fait des notes. Mais parce que là, pour une fois, je me suis dit, bon, on va dissiper ce qu'on est. Vraiment beaucoup, donc j'ai préféré faire des notes. T'as vu qu'après c'est pas la meilleure idée, genre après tu lis tes notes et tout, ça n'a aucun intérêt. Bah d'ailleurs, le silence des agneaux, des notes. 100% polyester, et la blague est déjà faite, stop, ça suffit. Mais d'ailleurs, sur le suspect, ce que je trouve. C'est drôle comme mot, il y a suspect. Théophile, je te déteste. Oui, Alexis. C'était hyper drôle comme mot. Sur le suspect, ce que je trouve très marrant, c'est que c'est toujours un mec qu'on a vu précédemment dans le film. Genre le connard de la compta, le facteur qui se retrouve être le coupable parce que pour que ça fasse un twist à la fin, faut forcément que le spectateur l'ait déjà vu. Ouais. Bah oui, sinon donc, ça des fois ça donne intérêt, des trucs très artificiels. Mais c'est quelqu'un qu'on avait jamais vu et donc ne soupçonnait pas l'existence. Oui, bon bah d'accord. ça sera un film de merde. Je ne suis pas investi émotionnellement dans le film. Memories of Murder, on connaît pas les victimes. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu, j'étais déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Les victimes? Bah si, on connaît les victimes. Non, c'est toi la victime, si. Théophile. Ah bon? Bah si, on les connaît. On sait que c'est des étudiantes, lycéennes. Oui, non, mais on les connaît pas personnellement. Bah non, c'est un film. On les suit pas, non. Non, mais vous disiez, bref. Non, mais on les avait pas vus auparavant dans le film. Non, mais on dit pas qu'on connaît les victimes. Pas des victimes. On parle du serial killer. Ouais, on parle. On dit que le serial killer, c'est forcément quelqu'un qu'on a déjà vu, tu vois, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. J'avais mal compris. Et c'est son. C'est pas grave. Ensuite. Il faut qu'il y ait une morale derrière les meurtres. Genre, il veut faire passer un message. Oui, c'est dit, enfin, non, dit de manière crue. Non, il veut pas forcément faire passer un message. Si, c'est. Si, je le dis. Dans Seven, j'ai dit en tout cas, dans Seven. Dans Seven, oui, mais dans plein d'autres films. Dans Zodiac, c'est un défi à la police, donc il titille, tu vois. C'est pas forcément un message en mode. C'est juste, il veut dire quelque chose et il tue. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah, par exemple, dans Scooby-Doo, je veux dire, pas du tout. Scooby-Doo. Mais il tue pas dans Scooby-Doo. Where are you? Oui, c'est vrai. Je vais chanter tout le générique. Faux. Tous les génériques. Vas-y. On va quoi, notre Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Allez. Et après, on s'arrête là. Allez. Yalla. Est-ce qu'il y a d'autres clichés peut-être ce soir? Ce soir, est-ce qu'il y a des clichés dans la salle? Est-ce qu'il y a des clichés dans la salle ce soir? Allez, c'est parti. C'est parti. Il faut définir le héros. C'est soit un flic, soit un journaliste, soit c'est une potentielle victime. Alors, t'as le journaliste trop investi, t'as le flic un peu bourru mais gentil, et... Avec son pote. Alors déjà, faut avec définir, son c'est pote. Tous des mecs. Okay. Ouais, ouais. Tous les héros de ces films, il n'y a oui. aucune meuf. Il peut y avoir une psychologue, tu vois, genre une analyste, ouais. une psychologue qui ouais. soit une femme, ouais, tu voilà. vois. Mais parce qu'elle comprenne plus les hommes, les femmes. Non, mais parce que... Alors attention, hein, pas de message sexiste. Justement, dans les films, c'est malheureusement. Enfin, tu dis ça, mais le plus gros contre-exemple, c'est quand même le film de serial killer le plus connu, c'est Le Silence des Agneaux. Ouais, ouais. Ah c'est un exemple. Tu peux en citer mais 20 contre-exemples. Je sais pas, dans Mindhunter par exemple, bah, dans certes, Seven, la psychologue. Dans Seven, il n'y a aucune meuf à part la femme qui sert juste. Oui, mais ça, c'est un exemple. Bah non, bah Zodiac, Peur sur la ville, M le maudit. Déjà toute ma liste. Tu peux, vas-y, sors ta liste. Je te rappelle qu'on est face à un sociologue. Donc il a étudié. Non, pas du tout. Non, mais des échantillons encore. De 20 000 films. Non, mais ce que je veux dire, oui, effectivement, peut-être qu'il y a moins de femmes dans ces films. Non, mais c'est tout. De ceux qui me viennent en tête. Je dis pas qu'il y en a aucune, je dis juste que. Mais. De prédominance, c'est les hommes. Ouais, bah c'est. Oui, mais ce que je veux dire, tu vois, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas. Comment dire, il y a des films. C'est pas inhérent au genre. Qui l'ont déjà fait, et effectivement, c'est pas inhérent au genre. Oui, oui, mais moi je te parle des tropes, je te parle pas des trucs, c'est obligé. Dans Fargo, il y a une. Dans Fargo, il y a une meuf en arrière-plan. C'est que t'allais dire. Non, mais il y a une policière qui est meuf, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'elle arrive pas à monter en galon, notamment dans la série, mais aussi parce que c'est une femme, tu vois. Donc ça. Ouais. Il y a aussi un truc comme ça. Après, tu on vois. Peut, nous, on, vu qu'on le fait pas et qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut écrire un personnage principal féminin qui prouve à sa hiérarchie. Ouais, ça peut être un beau ressort. Moi, ce que je préférerais, c'est que le personnage féminin, ça soit le serial killer. Ça serait original, je pense, parce que c'est un truc qu'on voit vraiment jamais. Mais faudrait qu'il soit bien ouais. écrit, alors. Ouais, c'est bah, sinon, ça doit pas être le cas, sans doute, mais... Quatre hommes écrivent un personnage féminin, le podcast... De femmes hystériques. Le podcast. Souvent, les serial killers, c'est quand même un rôle assez prestigieux, je pense. Parce qu'il y a ce côté... un rôle de prestige. C'est vrai. Il y a ce côté génie du crime qui arrive à tromper la police, etc. Qui est bah, du coup, pas faut, mal de il films. Il faut quoi. Que ça finisse bien pour le serial killer. Bah pourquoi enfin, bah pourquoi bah parce que si en plus elle échoue, ça veut dire que c'est la seule femme. Elle tue des gens et en plus elle y arrive pas, tu vois. Non mais elle peut réussir ses meurtres et se faire coffrer à la fin. Elle peut même faire comme dans Seven, c'est-à-dire... Ah bah putain. Ouais mais on l'avait déjà dit en fait, t'as raison. Je crois qu'on était en train ouais, de spoiler. Ouais mais on est des gros connards. Je pense que je vais biper hein, mais... Parce que c'est un gros spoil si tu l'as pas vu quoi. Ah oui. Et merde. C'est tout podcast ça, à la fin du sixième internet. Sens c'est et Kaiser Soze en fait bah, il a un prénom très allemand. Voilà. Donc est-ce qu'on peut partir sur parce que j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est pour ça. On peut pas. J'ai pas. Ouais, qui est un sosé, c'est un tueur. Ouais. Personne d'autre n'a de trops. Ouais. Mais quel connard. Ça m'avait évité un bip et là. Et là, un bip en plus. Bah, puisqu'on est parti à la fin de non, Fight Club en fait. Non, mais... Le parce Titanic que... il coule parce que... à la fin. Parce que Antonin tout à l'heure il m'a dit. Arthur, ouais, il, non, mais... il meurt, Arthur, voilà. Faire du non, montage. C'est vrai, non. Faire du montage, y a pas grand chose à faire. Ouais mon pote. Bah oui mais en même temps. Et d'ailleurs Rosebud dans... parce que vous parlez beaucoup de Citizen Kane mais à la fin c'est vrai. Une quoi? Avec marqué Rosebud dessus. Tout bon cinéphile a vu Citizen Kane à moitié. Voilà. Et c'est endormi. C'est mon film préféré. J'ai pas attendu d'être à la et... fin pour savoir que c'était le meilleur film du monde. J'ai vu 10 minutes, ça m'a suffi, clairement. Il m'a suffi de voir des extraits à la fac, je me dis. J'ai fait comme Antonin, j'ai vu une image, je sais de quoi parle le film. Victorin, c'est un petit peu. C'est toi. Une blague, c'est une blague. Un petit peu, je dis. Je t'aime. Un petit peu, ça va aller. Ouais, bah voilà. On peut passer à l'écriture, je pense. Il n'y a pas de petits jeux et tout. Mais non, il n'y a pas de petits jeux. Donc, nous, on n'a pas le droit au jeu, quoi. Il n'y a plus de petits jeux. On peut pas en improviser un, vite fait. Ok. J'étais très alors, excité à calme lui faire un petit jeu. Pierre, feuille, ciseaux. Non, yes qu'est-ce qu'on peut improviser? Parce que moi, j'ai une idée de jeu. Alors, ça va être un peu nul. Non, ça va être chouette, je suis sûr. Et coupé au montage, sans doute. Laisse-lui. Le but, en gros, je vais prendre un film de serial killer que personne connaît ici. Enfin, sauf bah, moi, du coup, je vais voir. Pas que je regarde, moi, du coup. Et voilà. Et le but, c'est que vous allez chacun inventer un synopsis et celui qui est le plus proche, il gagne. Ok, ah, tu me donnes juste le titre. C'est hyper bien. Mais ça existe déjà en fait, il l'a volé. Non, quoi, c'est pas, il l'a pas volé, c'est hyper bien. Je suis sûr que ça existe. Mais non, c'était le truc, on en avait parlé, bref. Ah oui, bah alors, d'accord. Est-ce que. Ah oui, ça existait déjà, mais c'était nous dans notre tête en fait. Oui, voilà. Arrêtez de vous faire les papouilles. Ça, on fait ce qu'on veut, on est des adultes consentants. Mais on est devant. C'est pas très voilà, radiophonique alors. Comme réflexion. Alors. C'est pour ça que j'explicite. Le film L'étrangleur de Boston, est-ce que. Je l'ai vu, je connais. Tu l'as vu? C'est pas très compliqué, si je peux me permettre. Quoi? Bah, à non, mon avis, il y a un peu de strangulation qui se passe dans une ville américaine, quoi. Mais... Dans le silence des agneaux, il n'y a pas d'agneaux et il n'y a pas de silence. Donc ouais, le maudit, il n'y a ni aime ni maudit. Donc... Parce qu'en fait, il faut que ce soit aussi le nom d'un film qui donne un peu des éléments, quoi. Parce que sinon, c'est. Si c'est tueur, bah c'est pas très voilà, tu vois. Le tueur. Alors, qui tue des gens. Est-ce que vous avez vu Ed, Jane, le boucher? Non. Non. Non. Bah parfait. Ok, donc le boucher, ça veut dire qu'il fait des trucs gore. Pas forcément. On réfléchit tous les trois. En plus, c'est un film vraiment bien noté. Au moins deux. Non, c'est faux. Allez-y. C'est, alors, indice, est-ce que c'est un vieux film ou pas? Parce que les synopsis sont pas les mêmes. Hein, les amis. Le film date, je vais te dire ça, parce que je l'ai pas vu non plus. Hein. Il y a pas la date sur Allociné? Qu'est-ce que c'est que ce site? Qu'est-ce que c'est? C'était le site préféré de Théophile en première année de BTS. Non, il se référera à Allociné pour toutes ses critiques et toutes ses analyses en cours. Est-ce que j'ai aimé ce film? Attends, je vais sur Allociné, je regarde. Pourquoi tu dis ça? C'est une blague. Enfin, c'était un petit. Si, c'est vrai, on avait eu un petit débat comme ça, mais c'était marrant. Non. Parce qu'on a fait nos études ensemble, faut le savoir. Oui, bah, on s'est rencontrés. Hein. En BTS audiovisuel. 2000, il est sorti en 2000. Ah oui, donc il est récent, ok. Oui. T'as dit qu'il s'appelait? Par contre, j'ai que des synopsis de deux lignes. Bon, c'est pas grave. Bah, on va devoir deviner deux lignes. Il s'appelait comment le film déjà? Ed, Jane, le boucher. Ed, Jane. Mais non, c'est Ed Gein. Ed Gein. Mais tu l'as déjà vu, espèce de... Non, ça c'est juste la réalité. À mon avis, c'est un documentaire. Non, c'est bah du coup... on change. Bah ça doit être un biopic ou un truc comme ça. Mais t'es en sociologie, pas en cinéma, putain. Mais j'ai fait du cinéma. Ah bah voilà, bah dis-le. Bah non. Bah, dis que t'as fait. Dis-le maintenant. Alors, est-ce fait que. Du cinéma. Voilà, voilà. Maintenant, on le sait. Quelqu'un a vu Le Collectionneur? Non. Allez. Il l'a vu, lui. Tu l'as vu, Le Collectionneur? Non. Yes! Bah, allez-y. Hein, Alors, 97, c'est le film. C'est chacun son tour? C'est un mec. Il s'appelle Edouard. Ah ouais, c'est précis. Il était artiste peintre et un jour, il a décidé d'enlever. De scalper les gens. Pour récupérer la peau de leur visage et s'en faire des masques. C'est une trop bonne idée. Et après, et il met une petite ficelle. Il a trouvé la collection. Il parle avec un faux accent. Comme des passes pour enfants. Et voilà, et il a plein de scalps et il change de visage comme ça. Et c'est chouette. Et c'est pas du tout un film gore, c'est un film genre sympa. Joyeux. C'est un film good movie. Acceptez-vous comme vous êtes, non, film... avec la peau des autres. C'est un film de Noël. C'est un film avec. Les autres auront plus d'infos. Voilà. Tant pis pour toi d'avoir été le premier. Du coup, c'était pas ça? Avec. Bah non, c'est pas ça. Vas-y. C'est avec Morgan Freeman et Ashley Judd. Je sais pas qui c'est. Ashley Judd. Ok, bah, elle a joué dans quoi? Bah allez-y. Alors, c'est quoi Le Collectionneur? Alexis, vas-y, je t'en prie. Moi, je partirais sur un type qui prend des photos. Et genre, il prend des clichés et tout, il en prend plein, il suit des gens. Et c'est un mec un peu obsessionnel. Et il tue des gens parce que c'est The House That Jack Built. Non, il prend pas de photos. Mais bien sûr qu'il prend des photos. Il prend des photos dedans. Bah oui. Toi aussi, tu l'as pas vu. Il prend les photos après les meurtres de The House That Jack Built. Voilà, ça change tout, Théophile. Okay. Alors que là, il raconte un mec qui prend en photo et ça l'amène au meurtre. La temporalité du photogramme n'est pas du tout la même. Effectivement, ça change tout. Alors, qu'est-ce qui t'a amené par exemple à penser qu'il y aurait une histoire de photos là-dedans? Parce qu'il y a une histoire de photos là-dedans, c'est ça? Non, bah non. Donc c'est juste une question personnelle, c'est ça? Ouais, voilà. Bah écoute, je pense que la photo a toujours eu un rôle important dans ma vie. Ouais. Et je voulais le ressortir à ce moment précis dans ce podcast, quoi. Ça m'a frappé comme l'évidence. D'accord. Quand il était enfant, il est tombé sur des photos de sa mère en nuisette, et depuis, ça l'a beaucoup travaillé. Il sait pas où il va avec cette vanne. Oh, j'ai pris un train, je ne sais pas où je suis, voilà. Ça fait toujours plaisir. Un podcast, t'as toujours besoin d'une blague sur l'inceste. Non, parce que c'est aussi un truc de la psychanalyse à deux balles, c'est aussi un truc de film de serial killer, tu vois. Ah oui, oui, oui, grave. Ouais, c'est ça. Bah, hé. Bien. Merci d'avoir monopolisé l'attention pour 10 secondes bien. Pas grand chose. Alors. Alors, le collectionneur. Le collectionneur, un film. Alors, Adèle a eu. Non, Alexis a eu les acteurs. Toi, tu auras le réalisateur. Il s'appelle Gary Fleder. Ah, bah oui, bah, du coup, je l'ai vu. C'est bon, c'est sur un scénario de David Klass. Ça dure 111 minutes. Oh. Mais tu veux pas nous donner les lieux de tournage? Toute la fiche technique, attends, c'est parti. Ça a coûté combien? Le c'est lundi, très important. Ça a coûté 27 millions. 27 ah ouais. millions. À mon avis, gros film. Hein. Le collectionneur, c'est un mec qui entretient une confidence de par lettre. Ça se passe pas dans, actuellement, ça se passe au début du siècle, du 20e siècle. Et qui a une, il y a une comment ça s'appelle, une un échange de lettres entre deux personnes. Et au bout d'un moment, la personne, elle se fait tuer. La deuxième personne qui échange avec la fille dont tu disais le nom, Ashley quelque chose. C'est une actrice. Oui. C'est oui, ça. Ashley Judd. Ashley Judd. Et ben en gros, elle joue la deuxième personne de cette correspondance. Et la première personne, donc on va dire que c'est un mec, elle se fait tuer. Et donc le mec, il prend sa place. Et il écrit à cette femme, et il fait ça avec plein de gens, puisque ça, les correspondances par lettres, ça se faisait beaucoup à l'époque. Oui, bon, c'est pas ça, hein. Tu peux t'arrêter maintenant. Bah écoute, moi je voulais développer. Mais... Bah vas-y. Non, mais c'est, tu m'as un peu... Après, on peut voter. Moi ça m'intéresse, j'ai envie de suivre cette histoire d'Ashley Judd. Bah je propose de voter, qui veut écouter la suite. Allez, moi je vote. Vote à main levée pour le public, pour que le public comprenne. Ouais. Je m'incline. Bah, allez, vas-y. Tu fais bien de toute façon. Il a perdu 3 hein, pour qu'est-ce le qui m'arrive si je m'incline. Bon. Tu verras. Il tombe. Il termine sa phrase. Bah non, j'avais pas grand-chose de plus en vrai. Ah bah là, bah super, merci. Alors qui est le plus près? Alors qui est le plus on près le tambour, bah, hein. Je sais pas trop, je vais vous lire le synopsis. Ouais. Le policier Alex Cross apprend que sa nièce a disparu. Poursuivant les recherches à titre personnel, il se rend à Durham, en Caroline du Nord. Je pense qu'on ne dit pas Durham. Durham. Il apprend alors que Il apprend alors que 8 autres jeunes filles belles et talentueuses ont aussi été kidnappées et que l'une d'elles a été assassinée. L'enquête menée lui permet de découvrir un témoin, puis la cachette du meurtrier qui se fait appeler Casanova. Voilà. Ah donc c'est littéralement un collectionneur de femmes en fait. Voilà c'est ça, il collectionnait en fait les... Un peu comme votre jeune fille Théophile Auvigne, il faut le savoir. Il oula, collectionne les femmes à la pelle. Très, la commande de trois godes, on y revient. Loin de là. Bah lui. Maintenant explique parce que ouais. On l'a pas dit. Non en fait on va donner les informations petit à petit, ouais. C'est du foreshadowing. Il y en a trois du coup. Ça obligera les auditeurs à rester pour il y en a que deux en tout. Ah d'ailleurs à la fin grosse annonce, voilà. Non, sur un épisode comme ça, mais ouais. Personne va écouter jusqu'à la fin. Antonin, attends, fais la grosse annonce maintenant. Non. Ok. Bah putain, mais maintenant j'ai envie de rester jusqu'au bout. Ah, le mec joue trop bien son rôle, quoi. Ah mais je suis, ah j'ai hâte. Ah là là. Ah mais... Louis, t'as hâte. Mais je vois pas ce que. Il nous écoute même plus. Il est en train de se faire un café. Si je vous écoute, mais je fais plusieurs choses à la fois, donc c'est. Eh bien, est-ce que ça vous a plu le jeu? Ou on en fait un autre? Non. Pitié, non. Il aurait fallu, c'est pas une mauvaise idée, mais je pense qu'il aurait fallu nous donner un tout petit peu plus de détails. Ouais, une petite piste. Le préparer, il aurait fallu la faire un jeu. La prochaine fois, je le préparerai et comme ça, j'accumulerai plus de connaissances sur les films. Parce que, voilà. Okay. Mais du coup, on peut commencer peut-être à écrire le film, tout simplement. Ouais, grave. Alors, déjà, je propose qu'on définisse dans le vif du sujet. Le héros. Avant le tueur. Héros. Le. Ou du coup, un héros ou une héroïne. Le héros, ça va être le serial killer ou le de l'héroïne. Allez. La fait, blague sur la drogue. Il est tellement bon. J'adore la drogue. J'en raffole. Prenez de l'héroïne, les enfants. Si jamais il y a des enfants qui nous écoutent, n'hésitez pas à foncer demandez... sur la coke. D'ailleurs, nous remercions notre partenaire, Jack Daniel. Ne demandez pas à vos parents, c'est dans le tiroir non, en non, dessous non. de l'évier. Voilà, la bouteille bleue. Buvez tout. c'est le détergent. Ah, écoute, c'était assez con. Pour... C'est l'audience con pour du podcast baisse de 50% au prochain. Ah, on est passé de 4 à 2. J'ai pas envie de me faire arrêter pour un podcast comme ça. Tu confonds mes statistiques avec les tiennes. Non, on est pareil. Est-ce que on n'a pas le droit de dire ça dans un podcast? Je pense qu'il n'y a pas encore de loi sur YouTube, comme sur YouTube, donc c'est bon. Bon, ça va alors. Est-ce que c'est on peut pousser les gens ce podcast est sponsorisé par NordVPN. Comme le précédent. Évidemment. Ah ouais? Tous nos podcasts sont sponsorisés par NordVPN. Ouais. C'est chouette. Sauf qu'on dit que c'est mais de la merde. Mais Théophile, c'est quoi NordVPN? NordVPN, c'est un VPN du Nord. Waouh! Excusez-moi, ça parle contenu sponsor, mais moi je suis toujours bénévole dans l'histoire, c'est ça? Non, mais on touche pas un centime, c'est, on est juste. Moi j'ai même pas envie d'être là et je suis le cul posé sur le canapé. Moi il m'offre mon abonnement, c'est tout NordVPN. C'est déjà bien. Il vaut don de 3€ par mois. C'est pas mal. Ah, grosse rémunération pour très peu d'auditeurs. Eh bien, le film. Pas. Ouais, le film. Donc on part sur. Je vais me répéter, un héros, une héroïne. Chips. On part. Alexis, Adèle, vous avez peut-être une idée? J'ai pas de préférence, moi. Si le céréal. Si le les céréales. Killer... Si le lait avant ou après les céréales? Non, putain, on le est... lait, ça a de la vache, céréal killer. Bon, bah, puisqu'on est vous mouillez votre brosse à dents avant de l'utiliser ou pas? Non. Ah. Ok. Et là, on va avoir 20 commentaires, ça va exploser le podcast. Ah oui! Mettez en commentaire si vous mettez le lait avant ou après les céréales sur iTunes. Ça nous intéresse énormément. À votre avis, de quelle forme sont les godes de Théophile? N'hésitez pas à détailler ça en commentaire. Triangulaire. Le gagnant gagnera un god. Tartiflette ou raclette? Si vous devinez la couleur des godes. Vous en gagnez un. On n'a pas 36. Bleu marine pour la fibre nationaliste. Tu vois. Donc pour participer au jeu concours, vous envoyez juste la couleur, je sais pas, rouge, vert, bleu, et les avec 5 étoiles. Avec 5 étoiles, sinon ouais. Ce sera pas pris en compte. Et je vous enverrai, vous payerez aucun frais de port, machin, le god, dans son emballage tout neuf. Ah, précision, c'est pour de vrai. C'est pas une. Oui, pas c'est une, pour de vraiment vrai. Pas une vanne. C'est vraiment pas une vanne. Mais les 5 étoiles, vraiment? Oui. Alors, ah, mais ça va, oui. C'est un peu la du marketing condition, face quoi, à nous là. C'est... Je tiens à préciser que si un mec qui s'appelle Bocoquin 92 s'inscrit, c'est pas moi du tout, hein. Genre vraiment pas. Non, mais toi, on sait que t'as changé de pseudo, mais merde. Voilà. On va pas. On ah va oui, pas mais comment je vais pouvoir contacter les gens? Bah, ils DM sur Twitter. Au prochain ouais. épisode, on dira qui a gagné. Ok, ouais. Eh bien, on peut reprendre l'écriture ouais, du film. Ouais, à force de parler de God, on j'adore va pouvoir... les God. Alors, héros ou héroïne? Moi, j'ai pas de préférence, mais Adèle voulait nous dire quelque chose sur le sujet. Ah, ça va être chiant. Oh non, je n'ai pas. Adèle, pour de vrai, je le pense pas. Alors, juste parce qu'on a fait une coupure pour se prendre de l'eau juste avant. D'ailleurs, moi, j'avais demandé. On a parlé de sa liste calamiteuse. Je m'excuse auprès de tous nos auditeurs pour cette liste des films qui n'avaient objectivement aucun intérêt. Mais t'as pas à t'excuser, t'es comme t'es, mon grand. Mais vous avez qu'à regarder Erased en même temps, vous avez qu'à avoir un peu de culture. C'est vrai. Bon, sinon, non, en fait, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu dis que j'en ai quelque chose de... héros, héroïne, je m'en fous. Non, parce qu'on parlait de faire une serial killer. Fille, femme. Non, on parlait du héros. Non. Oui, justement. Est-ce qu'on fait l'héros full Ah, l'héroïne, est-ce que le héros est le serial killer, c'est ouais. ça Ah, ça peut. Ça peut être bien, parce que d'habitude, c'est un homme contre un homme. Là, on peut faire une femme contre une femme. À vrai dire, on s'en fout, mais... Ou un homme contre une femme. Vu qu'on rentre dans les une clichés... Une femme contre un homme. Non, mais vu qu'on rentre dans les clichés, ça change... Une âme contre Mais du coup, avec un god ceinture, c'est ça? Toujours. Ok. Avec un poignard au bout. Tu n'as pas de souvenir. L'écoute pas, un god ceinture normal, non? Ouais, donc participez pas au jeu concours, hein, il va vous envoyer ça. Bah, vous pourrez couper du beurre avec votre god ceinture. Yes. Ouvrir vos lettres. Mais il sera dédicacé. Oh merde. Coupez votre tofu, par exemple. Si vous êtes végétarien. Parce que ce podcast s'adresse aux véganes. On est vegan friendly ici. Donc voilà, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais il faut qu'il soit vegan. Comment? Faut que notre héros soit vegan, tu vois. Oui, et que ça a une importance dans l'histoire. Oui, il est le serial killer est vegan. Ouais, ça c'est bien ça. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un bah, des animaux. Des gens. Bah non, il pas tue des humains. Des végétaux du coup. Tu tues des humains. Tu tues des végétaux. C'est marrant ça, Louis. Live, tiens, géranium. Du coup, la police, ça dure 2 minutes. Bah, on s'en bat les couilles. Hop là. Bah voilà. Bah super. Non mais ça peut être cool. Genre, enfin, je sais pas. Ça fait un trait de caractère un peu. C'est vraiment un truc de serial killer. Tu les PDG d'être vegan. Non mais genre, je veux dire, je vois bien un serial killer être vegan, mais pourtant tuer des gens. Car tu les détestes. Mais surtout pas tuer d'animaux, tu vois. Mais faut que ça influence son modus operandi, du coup. Bah bien sûr. Ouais. Genre il pourrait mettre des gousses d'ail dans les narines des gens. Pourquoi des gousses d'ail? Non, un truc qui remplace la Parce que c'est culinaire, tu vois, c'est l'amour de la bonne bouffe. Ouais, mais il met une pomme dans la bouche. Vegan, comme ça, ouais. Il les dispose sur une table. Vegan, c'est pas juste culinaire, c'est un choix de vie aussi. C'est un choix politique, etc. Il se fait des chaussures en cuir avec la peau de ses victimes. Bah, ah ouais, c'est sympa, un peu. Bah, c'est très bien. On a même pas parlé de Hannibal Lecter. Non, pas Hannibal Lecter, Massacre à la tronçonneuse. Ouais, ah oui, c'est parce qu'on a dit qu'on parlait pas trop de slasher. Mais c'est un slasher. Ouais. On a dit ça. Bon, ouais. Okay. Bah, Adèle a dit ça, mais. Non, je mais sais bon. Pas. Adèle a décidé. C'est quand on l'écoutait pas quand il parlait de okay, sa liste. Ok, dans ce cas-là, j'ai une autre liste. Halloween, Scream. Non, mais ouais, c'est vrai que du coup, ouais, il y a tous les slashers en fait. Ouais, parce que c'est parce qu'on en a pas parlé depuis le début en fait, c'est pour ouais, ça. Ouais, ouais, c'est les slashers. Mais du coup, oui, se faire des godasses en peau humaine. Ça, j'aime bien ça. Et ce serait marrant qu'il y ait un moment quelqu'un lui dise, mais t'es vegan, mais t'as des chaussures en cuir. Et ils répondent pas, tu vois. Ah oui. Tu lui dis, c'est pas du cuir, mais juste ça. Après, je crois que le cuir humain, c'est quand même vraiment très différent. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'ai une veste. En cuir humain. ouais, du coup, flic, journaliste. Vous savez que c'est possible de faire du cuir à partir de peau d'ananas. Voilà. Bah, je m'en bats les couilles. Petite info. Pardon, c'était un peu trop violent pour rien. Du coup, flic, journaliste, victime. Tu couperas ça au montage pour te faire passer pour la bonne personne. Ah non, toutes mes insultes, je les garde. Alors, voilà, une héroïne, voilà, comme ça c'est dit, au moins on passe à autre chose, parce qu'on discute de ça depuis 10 minutes. Non, mais on fait surtout des digressions. Non, mais, alors, qu'est-ce que c'est, Flic, journaliste. Flic, journaliste. Bah, du coup, on a dit, c'était l'héroïne, c'était la céréale qui l'a. Non, on n'a pas dit ça, mais ça peut être cool. Quoi. Mais ça peut être cool. Mais oui, mais ça peut être cool. Ça veut dire que, disons ça. Ça veut dire que le film se concentre sur la céréale killeuse. Après, si on veut vraiment utiliser des tropes, je pense que ça serait plus marrant que le héros. Où l'héroïne soit un flic, un journaliste, c'est de découvrir un serial killer. Ouais. Oui, qu'on découvre en même temps que le film. Ouais, ouais. On pourra faire des twists nuls. C'était un petit effet. À base de, c'était le facteur. En fait, c'était la factrice. Du coup. Et oui, car c'est une femme. Tu ne gères pas correctement les facteurs. C'est pas très correct. Toi, t'es un gros con. Je l'ai bien joué. Je suis un peu en train de pleurer et de rire aussi. C'est très drôle. On vous a dit qu'on ne donnait pas d'eau sur cette émission et que ça devait être 2 heures. On vous a dit qu'on était enfermés dans la salle. Une panse qui fait 27 kilos. Bon, si vous n'êtes pas content, on peut arrêter là. Hein. J'ai le cul soudé au canapé. Non, mais fallait pas ramener ton pistolet à colle aussi. T'es complètement débile. Ça serait marrant un meurtre au pistolet à colle. Ah bah c'est ça peut être son modus operandi. Genre il a, tu vois, genre il ferme le nez et la bouche et le mec ne peut plus respirer. Comment? Il ferme le nez et la bouche avec de la colle. Ah, c'est horrible. Et le mec j'adore. S'étouffe, tu vois. J'adore le concept. En plus, et la colle en plus elle est chaude. Et c'est de la colle végane évidemment. C'est pas de la colle de poisson, attention. Non, pas du tout. J'adore le concept. En vrai c'est stylé. Mais du coup. Attends, on se concentre sur l'héroïne. C'est une policière, du coup. Mm-hmm. On va dire, comme d'hab, elle est jeune et elle est avec un vieux ou une vieille qui va partir à la retraite dans 2 semaines. Ouais. Donc c'est le dernier, c'est le dernier truc. Okay. Ouais. En fait, là, on est en train de faire un remake à la Ghostbusters de Seven, finalement, non? On prend les mêmes et on met juste des femmes, quoi. Non. Tu vas voir, parce qu'il est vegan. Ouais, c'est vrai qu'il est vegan, la méchante. Et du coup, la méchante, c'est Kevinette. SpaceX. SpaceX. Ça n'a rien à voir, c'est au hasard. On a encore spoilé. Ah bah non, parce que de toute façon, on le voit. On a spoilé. Ah oui, c'est vrai. Arrêtez de. Parce qu'on est d'accord, c'est. Ouais, voilà. Usual suspected. D'ailleurs, je vais en profiter pour le redire. Fight Club, à la fin, il est. Si vous aviez des doutes, c'est vraiment ça. Est-ce que t'imagines une version de Fight Club avec Edward Norton? Ça serait super marrant. Mais personne se projette comme étant Edward Norton. Allez, prends ça dans les dents, quelqu'un qui gagne. Si souvent, moi, je suis un mec génial, qui est super beau et musclé. Il est pas musclé, Edward Norton. Si, dans Hulk. C'était beaucoup trop nul et beaucoup trop drôle. Du coup, une héroïne voilà, jeune avec un vieux. Un vieux qui part à Arthur dans deux semaines. Dans deux semaines. Ah oui. Bah, si genre, oui. Okay. Et qui veut finir ce. Ouais, qui veut finir genre ce. Vraiment vieux. Ce serait marrant. Beaucoup trop vieux. Il a vraiment tiré sur la corde. Il fait que des phrases de vieux en mode. Il est jeune. Déambulate. Non, comme là-haut, tu sais. La canne avec les balles de tennis. Il se traîne un Alzheimer assez sévère. Mais pourquoi il est encore aux forces? Pff, on sait pas. Ouais, il fait partie des meubles, mais littéralement il bouge plus en fait. Bah, on le paye plus, hein, c'est sa retraite, mais il vient tous les matins. Il est content, il parle aux gens, il prend des cafés. Mais du coup, elle le prend en tant que genre mec qu'il faut écouter absolument parce que il est sage et tout, mais il dit que n'importe quoi. Il est complètement perché. Et en plus, il est vieux et du coup, il fait que des réflexions sur les jeunes. Par exemple, il a un portable. Ah oui! Il y a un serial killer, le premier maire dit ah ça doit être la faute des portables. Et, non, il fait encore un coup les vegans et on lui fait mais non c'est pas les vegans qui ont fait ça. Et à la fin il arrive, tu vois je te l'avais dit, c'est vegan. Je le savais. Et après il fait une crise cardiaque. On a la fin déjà, mais faisons le début. Et du coup t'es content puis triste. Ouais, mais t'es content qu'il meure quand même. Enfin triste puis content. Ouais, en trop, faut qu'on ait le chef de police qui est insupportable, qui leur met une pression de feu au cul pour terminer l'enquête, etc. Ouais. Qui gueule, qui engueule tout le monde. Il y a la préfète que sur mes pompes là. Alors que revoilà la sous-préfète. Qui dès qu'il y a un suspect, il fait c'est lui, c'est notre coupable, on l'arrête et tout. Et... Non, c'est le livreur Uber ça. Mais non, il vient juste nous livrer les sushis. Vegan. Là, il y a un indice sur lui. Bah, on peut enchaîner, hein, sinon. Et rebeu en plus. Waouh. C'est le petit non, mais livre rebeu. Pour que le vieux il fasse des remarques sur les étrangers. Ah oui. Oh non, quelle horreur. Mais si, c'est pas un vrai vieux de droite, si c'est pas. C'est pas un vrai vieux. Ça passe, il le fait en CGI. Est-ce qu'on a envie d'écrire un personnage raciste là maintenant? Oh ouais, moi j'ai envie, Oh ouais, je suis chaud là. Mais c'est grave parce que à la fin t'es content qu'il meure. Du coup, Alexis, tu tapes dans le dos de mon siège, t'es le pire invité. Lève ta main de là. Je vais taper dans autre chose ce soir, mon garçon. Sans doute ce paquet de bonbons que je te tends. Hein, Alexis? Arrête. Oui, oui. Ah non, c'était s'il te plaît, vraiment, je vais pas passer encore une heure comme ça. C'est quoi, c'est vraiment ouais, ta pote, tu... là mais vraiment, oui. Tu veux que je le fasse? Mais c'est vraiment amical, hein. Non, c'est chiant. Ça doit être horrible. Bon, ok. Putain, j'aimerais pas aller à leur place. Adèle, est-ce que tu veux qu'on échange de place? Ah non, il n'y a pas de souci, on peut continuer l'émission. En fait, il fait ça par réflexe, je le sens, c'est pas grave. J'ai le réflexe, lorsque je suis à côté d'Adèle, de mettre la main au panier. Toucher, de casser les couilles. Ah, oh, réflexion de voleur, hein, après. Oui, malheureusement. Ouais, en plus un peu. Mais... Du coup... Il déteste vraiment par non, gradation. Non, je suis bien. Ouais, c'est ça. C'est un vieux de droite... Avec une petite jeune progressiste. Est-ce qu'à un moment, est-ce que justement, à un moment, il essaierait pas de se la pécho en mode vieux dégueulasse et il se fait remettre à sa place pour qu'il y ait au moins un message positif. Mais il est parce que moi, je l'imagine vraiment très très vieux. Moi, je l'imagine vraiment genre, vieux. Du style, je me pisse dessus sans m'en rendre compte. Ouais, sénile vraiment. Ah, il faut changer sa couche. Faut vraiment qu'il soit sénile, ouais. Ouais, voilà. Il y a l'infirmière qui arrive chaque matin. Ils arrivent sur le lieu d'un crime, il doit changer sa couche. Et en fait, c'est comme... Depuis le début, c'est une expérience. Oh non, on a encore spoilé un film. Putain, tu bégis. Ce qui pourrait être marrant, c'est que son état empire au fur et à mesure du film. Du coup, au début, il est sur un déambulateur, à la fin, il finit sur un lit à roulettes avec l'intraveineuse. Pendant l'enquête, il est traîné sur les scènes de crime comme ça. À la fin, la meuf, elle fait le monologue. Il parle en morse grâce à elle son. Elle fait grâce au lumière. Le truc de Stephen Hawking là. Elle fait le monologue de fin où elle réunit tous les suspects et elle dit en fait c'est toi et je sais comment t'as fait. Et lui il arrive dans son lit à roulette. Je le savais et il crève. Oh putain. Wow. Je peux reprendre ma retraite maintenant. Ma retraite de ce monde. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les La petits. Tueuse vegan. Je voulais en trouver au moins une. Ok, donc on a écrit le personnage. Le meilleur personnage. Le meilleur personnage. Oui. Qui est encore une fois un homme, hein, quand, même quand on veut être progressiste. Est-ce qu'on peut continuer d'écrire ce personnage? Parce que moi, j'aime. Mais écrivons des scènes, des situations, et il viendra dedans. Bah, il y a évidemment. Au début, on fait par ordre chronologique. C'était une blague. Donc, on a une meuf. Précise-le, hein, précise-le. On bien. A la serial killer vegan. Et l'héroïne jeune qui vient d'entrer dans les forces de police, qui croit encore à la justice. Et vraiment, je pense que je vais vous séparer les deux. Vous mettez plus à côté, hein! Excusez-moi, j'ai vraiment le réflexe de taper dans Adèle violemment. C'est insupportable les deux là. Je suis désolé, mais je peux rien faire. Mais, du coup, je me demande ce que vous imaginez lorsque je dis taper dans Adèle violemment. Quelle est notre position? Écrivez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Mettez 5 étoiles. Et mettez 5 étoiles. Ouais, et mettez une position sexuelle à laquelle vous pensez actuellement. Celui qui trouve bien aura une photo de nous deux. Ah si, juste. Bah, il gagne le. Dans la position de son choix. Le deuxième god. Le deuxième god, voilà. Waouh. Sur 3. Il y en a un troisième à gagner. Yes, exactement. Bah ouais, mais après, tu c'est le payes. C'est hein, ça la que... grosse annonce. Et donc, ça commence évidemment le film. Ouais. Ah non, est-ce qu'on fait le serial killer avant? Alors, où ça se déroule déjà en fait, le film? Ah, soit dans une banlieue un peu crade, soit non, dans tu vois, une grande ville, justement. Ou genre. Ouais. Est-ce que, ou alors peut-être dans la. Genre un peu à la. Enfin, dans une campagne, tu vois. Ça peut aussi. C'est les deux versants. C'est un peu du angoissant truc, une campagne, justement. Parce que y a personne aux alentours et tout. Donc, si t'arrives un truc. Bah oui. Ouais, mais justement, c'est bien. Ouais, voilà, donc une campagne, mais plus américaine. Où, une campagne. Une campagne américaine où t'as des villes quand même qui sont assez grosses, mais c'est la campagne. Genre le Nevada. Genre, tu vois, c'est pas la campagne française où t'as des hameaux avec trois maisons et, une ferme. Putain, le vieux parisien, quoi. Non, mais c'est vrai. Bah, quoi, c'est vrai, t'as pas ça aux États-Unis. Si, t'en as. Mais t'en as. Moins parce que c'est énorme, c'est beaucoup plus grand. Bah, c'est oui. Enfin, bah. Alexis Garsmer, étudiant en sociologie, va répondre à vos questions. Alexis, est-ce qu'on en a C'est ça, est-ce qu'on en a, Alexis? Oui. Bah, merci. C'était Alexis, c'était étudiant. C'était la rubrique d'Alexis. Non. C'est marrant ça. Je croyais que c'était pas marrant. Tu disais juste avant le podcast. Ouais, mais là, ok, donc le film. Oui. C'est toi qui recadre. Oui, oui, oui. Faut que ça avance, on est aux pièces. Coupe-lui le bras, s'il te plaît. Parce que... Il le remet après. Et en fait, j'y vais progressivement. J'avance petit à petit. Mais tu vois bien qu'il est pas à l'aise. Mais je le fais pas exprès, hein. C'est vraiment un réflexe que j'ai. Il est en train de pleurer. Il y a Adèle qui Je vais essayer de me retenir, Adèle. Vous connaissez ces mecs qui tapotent dans ton dos au cinéma, tu vois, pour la moitié? Non, je connais pas parce que je traîne avec des gens sans esprit. Non, mais tu les choisis pas. Non, hein, mais parce que le mec qui tu vas au cinéma, il est derrière toi, il tapote dans ton siège. Et le connard. Ah, d'accord, je pensais genre, il tapotait dans ton dos en mode. Je vais te parler alors que tu le connais pas. Ah, non, pas du tout. C'est très marrant. Bah, c'est un peu cette sensation là. Comment t'as fait pour imaginer ça? Oui, explique-nous. Parce que il a dit tapoter dans le dos, et vu que t'étais en train de tapoter dans le dos avec ta main. Excusez-moi, vous êtes vegan? Monsieur, je regarde le film, laissez-moi tranquille. Non, mais je cherche un tueur là. Non, vous êtes vegan, vous. Vous avez une bonne tête de. Ça se voit, vous êtes bien blanc, vous avez des carences. Elle est où la B12? Hein? Mais de quoi je me mêle, monsieur? Excellent. Et il a un sonotone d'ailleurs. Mais bref. Qui doit ajuster pendant 10 minutes dans le film. Du coup, ça se passe en dans la campagne américaine. Quelle période? Est-ce que c'est contemporain? Ça se passe de nos jours? Années 90, ou, 90, c'est dans le futur. 80, c'est dans le futur? En 2060. Ah, je sais pas. Hein. Non. Non, j'aime bien les années 90. Ouais, 90. Mais dans le vrai futur, là où on aura eu l'effondrement climatique, et donc ça sera en fait le futur, mais l'effondrement ça semblera repasser. Climatique. Ah, exactement. Ouais. Le climat. Donc le climat va tomber très très fort. T'as vu le film? Il n'y aura plus de climat. Le jour d'après. Profiter du climat pendant qu'il y en a, parce que bientôt il n'y en aura plus. Hein. Il n'y a plus de saison, ma petite dame. Bah, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Tout le monde est vegan, il n'y a plus de saison. Si, le vieux dit il n'y a plus de saison, et la meuf elle dit bah oui, ça fait très longtemps, c'est à cause de la pollution. Non, c'est à cause des véganes. Leur soja. Et ok, donc années 90, est-ce que ça va à tout le monde? Ouais. Oui, c'est neutre quoi. Moi j'aime bien. Bah, voilà, c'est parce que bien. Bah ça fait ouais un peu. Voilà. Années 90. Non mais il y a les styles qui va avec. Justement, c'est décalé par rapport à nous. Oui. Oui, bah oui, avec les on s'identifie les, moins bien. Avec les lunettes à la marque Dutroux, avec les doubles ponts. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr, c'est la première chose que je pense dans les années 90. La campagne, ok, la campagne, si le peuple est d'accord. Bah moi j'aurais préféré une ville bien remplie avec une banlieue dégueulasse. Répondez dans le public, la campagne ou la ville, on continuera le podcast. Mettez-le dans les commentaires. La prochaine mettez fois. Dans l'équivalent de Chinatown new-yorkais, tu vois, un truc comme ça, où il y a énormément de monde. Et c'est hyper reconnaissable. Non mais ok, enfin moi c'était juste une proposition à la base. Ouais, mais que la ville, merdique, c'est pas cool. Que la ville soit un personnage. Tu vois ce que je veux dire? Madame Seven, la ville est un personnage. Comme dans Shining. Bah Bernard la ville, mais c'est qui est le vieux. Pas la ville. Son nom. Alexis, je crois que. Oui. Ton bras. Du coup, bah on a le lieu, la période. On a les personnages. Ouais. On n'a pas notre tueur. L'intrigue. On n'a pas notre tueur. Bah si, c'est une femme. Qui... Ah, non, ce qu'il nous faut, c'est des faux coupables. C'est vrai, mais alors, est-ce que le tueur, on le trouve à la fin? Où, j'ai une idée sur les faux coupables. On l'écrit déjà dès maintenant, on dit voilà, le tueur, ça va être ça. Non, mais on voudrait bien qu'on trouve un mode opératoire. Peut-être pas le tueur, mais le mode opératoire, c'est important. Parce que sinon on va prendre une pizza. Et du coup, ouais, pour les faux tueurs, c'est toutes des meufs véganes. Et du coup, à chaque fois, il dit ah, tu vois, j'avais raison. Bah non, faut qu'il présente d'autres gens. Non, mais ce serait marrant. À chaque fois, lui, il le redirige vers les meufs véganes. Non, mais oui, le gars, il choisit à chaque fois, ça doit être une meuf végane. Et à la fin, il a raison. Genre, ils ont une liste de suspects à chaque fois qui étaient sur la scène de crime. Lui, il rajoute des meufs véganes alors qu'ils ont rien à voir. Il y en a aucune et il rajoute les photos comme ça. Elle regarde son teint pâle. Elle est végane, elle. Je l'ai trouvée sur internet, elle s'appelle Marion Séclat. Elle est féministe, c'est la même chose. Hop. Non, mais les vieux l'aiment pas, je pense. À mon avis. Oui, oui voilà, je pense que les vieux aiment pas trop. Enfin, j'en sais rien, désolé les vieux. S'il y a des vieux qui. Le raptor écoute. Dissident est vieux. Ah bon? Il a quel âge? Il a, bah, il a des idées des années 50, quoi. Ouais, c'est vrai. Raptor, si tu nous écoutes, bah crève, écoute. Waouh. Bon, j'assume. Dis donc, c'est un podcast engagé. Et oui, d'ailleurs, si tu as un mot à faire passer, peut-être un avis sur la mort de Chirac. Bah écoutez. Ah, c'était pas mal comme avis. J'ai beaucoup aimé l'écouter. On va pouvoir manger passer à l'intrigue. Pommes. Mon avis, c'est que. Il est mort. Non, j'ai pas de blague. J'ai pas de blague. Ah, dommage. C'est bien de se restreindre. Quel dommage. Soi-même. Tu devrais le faire un peu plus. Ah, j'ai me restreindre de te taper, ça c'est vrai, ça par contre. Je suis quelqu'un de très violent. C'est fou. N'ai pas la force physique pour frapper. Donc le modus operandi, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, est-ce attends, déjà, avec... on fait scène par scène. Est-ce qu'il tue avec une arme? Non, on fait scène par scène. Bah, il faut trouver le modus operandi. Non, le modus operandi. Mais arrêtez de parler en latin. Le mode opératoire. le mode opératoire, escalum. Bah. J'aimais bien le pistolet. Ça veut dire escalope en latin. Ouais. Ça n'existait pas, les escalopes. J'aimais bien le pistolet à colle. Pistolum. À colle. À colle. Non, ouais, le pistolet à colle. Ça se voit qu'on est des débiles. C'est bien dégueulasse. Ouais. Mais faut qu'il y a mais pas faut de qu'il message. À l'immobiliser ouais, faut qu'il y ait ouais, un message. Faut qu'il y ait un message du coup. Elle écrit au pistolet à colle sur le mur. Faut qu'il y ait un message ou une explication psychologique, tu vois. Bah genre... c'est que des mangeurs de viande déjà. Ouais, c'est des carnistes. Ah, et il les des empêche hommes, de. Parce que carniste, ça veut dire qu'ils mangent que de la viande. Mais c'est des carnistes justement. Ouais, c'est carnistes. Ils mangent que de la viande. Carnivore, tu manges que de la viande. Ah, d'accord, oui. Carniste, c'est tu fais l'apologie de la consommation de la viande. C'est des carnistes. Tu fais l'apologie de. C'est des carnistes. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui. Par exemple, je donne un exemple au hasard. Y a qui en fait comme carniste connu? Toi? Y en a pas? Bah tout, enfin la majorité. Bah tous gens. Ceux qui sont anti-végétariens, 99% des gens, tu vois, ils sont carnistes quoi, genre. Carniste, c'est oui. Pas juste tu manges de la viande, c'était tu ah ouais. T'as des arguments comme quoi c'est bien et il faut le faire, tu vois. Ah ouais, non, je pensais que c'était. Ah ouais, y a un côté militant. Y a un côté genre pas tu milites pour la viande, tu vois, mais y a un côté tu crois que c'est nécessaire et que c'est en bon. En vrai, et... je suis désolé hein, si vous êtes carniste, mais c'est un peu con quoi de militer oui. Pour la viande. T'as pas besoin, hein. Les végétariens et les véganes, on a déjà perdu hein, le combat. Moi, par exemple, je milite pour l'abolition de la peine de mort en France. Voilà. Voilà. Et bon, bah. Moi, je milite pour la viande. Mais c'est déjà, aboli la peine de mort en France. Bah, oui, mais on mange déjà de la viande en France. C'était pareil. La blague. Ouais, c'est des combats à droite. Mais C'est des combats déjà gagnés, en fait. Genre... Donc, c'était une très bonne vanne, je sais pas pourquoi. Ouais, ils sont pas très réactifs, ces invités. Ouais. Ouais. Tu me rappelleras de pas les réinviter. Simulation et de qualité. Alors, donc le modus opératoire, c'est. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul mot sur deux en latin. Le modus. Et le tueur aussi, le mode operatum. Le mode. Il pourrait faire des trucs comme ça, le tueur aussi. Tu vois, laisser des traces en mi-latin, mi-français, tu vois, genre. D'ailleurs, il a un nom mi-latin, mi-français, genre. César. Mais non, c'est une femme, on a dit. Ah bon ? Bah oui, parce qu'il faut que le mec il soit sexiste. Et carniste. Aphrodite ? Non, ça c'est grec, non ? Je sais pas. Aphrodite. Dis le nom d'une femme latine. Aphrodite. Vénus. Apollon. Mais non, mais on s'en fout du nom. Non, mais c'était une blague, putain. Ouais, bah. Non, mais il faudra que les journaux lui donnent un nom. Ouais, ouais. La tueuse aux légumes. Genre. Quoi ? Elle tue avec des. Non. Bah dis-le. Aïe aïe aïe. Avec des carottes taillées en couteau, mais non. On a trouvé des particules de carottes dans la plaie. On a aussi trouvé des. Il recrée une carotte en 3D. Oui, ça doit être une carotte qui va transmettre la carotide. Bah la carotide, justement. On a aussi la carotteuse. On l'appelle la carotteuse. Ah, c'est la carotteuse. Le titre du film, c'est les carottes sont cuites. Et elle fait 8 meurtres. Comme ça, 8. Ils sont cuites. Oh, c'est pas mal, pas mal. Ouais, mais ça va être compliqué à écrire ça. Non, mais il y en a 8, c'est bon, t'en fais 80. J'avoue que moi j'avais une liste aussi de titres pour le film. Vas-y. Dont un qui le Seigneur des Anneaux. Joe d'Assassin. Ah, mais du coup, c'est un mec. Et c'est un tueur qui chante en même temps. Ce sera le titre ses victimes en chantant. Ce sera le titre du podcast, mais pas du film. Et si, okay. Et si tu n'existais pas, je ne pourrais dis-moi pas te tuer. Pourquoi j'existerais. Et bam, il tue le mec. Et avec ça, une c'est carotte. Formidable. Ah non, il va la mettre. Non, mais allez-y. Ouais, du coup, donc c'est la carotteuse. C'est bien quand même. Ouais, ouais. Putain. C'est pas terrible. Ils hein. sont violents et ouais quand même. Ouais, ouais. Ah là là. Joue d'assassin. Est-ce que finalement. C'est l'heure de notre pause parce musicale. Que là, on part vraiment sur un délire genre hyper. J'ai une voix feutrée du coup. C'est marrant, c'est le mot que j'aurais utilisé pour ta voix. Mais là, on part vraiment sur un délire hyper parodique. Est-ce qu'on peut pas se genre. Genre une meuf qui tue avec des carottes quoi. Bah oui, c'est ça la blague. Bah c'est oui. ce qu'on a fait. Ok, let's go. Ils font des reconstructions en 3D. Bah, j'ai jamais vu le podcast, mais le principe c'est de faire de l'humour, non ? Bah, c'est ouais, normal, tout ça se voit pas si s'écoute. Ok, ah. Bam ! Wow ! Punchline ! Ça, c'est un gars qui. J'écris du rap. Je fais des punchlines. Romorantin m'a mis à terre. Romorantin ? C'est pas ton nom ? Mais il y a plus rien qui va dans les prénoms là. Romorantin ! Bon, Tintin, on reprend. Tu dis n'importe quel mot qui n'est pas un en fait. Bon, Romarin, ben non, ça marche pas comme ça, les prénoms. Donc, as-tu avec c'est des pas carottes des... C'est pas des syllabes aléatoires qui finissent par... Romorante. C'est ça, mon nouveau pseudo. As-tu avec des carottes, mais elle poignarde pas avec les carottes. Si, elle les taille très... Comme dans les prisons. Comme dans les prisons, tu sais, où ils... Ah oui, ils liment les trucs avec des brosses à dents, ouais. Ouais, c'est avec des brosses à dents. Et bah là, il fait pareil. Je le sais, j'ai fait 4 ans de zonzon. Comme Balkany. Pour fausse fiscale. D'ailleurs, c'est pas hyper visuel, tu vois, genre un meurtre à la carotte, tu vois. Ouais, c'est comme mon couteau. Ou alors c'est des grosses carottes. C'est des carottes qui ont gagné des championnats de trucs énormes. Tu sais, comme dans voilà, c'est Gromit. Ouais. Oui. Ah oui, trop bien. Bio et sans pesticides. Voilà, évidemment. C'est ça. Et des trucs bah énormes. Oui. Genre, tu sais, la plus grosse carotte, en fait, elle fait 2 mètres. Bon, ça existe pas. C'est ça, avec de la vie. Permaculture. La plus grosse carotte, c'est comme au dealer m'a vendu 1 gramme pour 40 euros. Waouh. C'est marrant ça. Ouais, c'était sympa. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, on peut faire un retour sur cette blague. C'est de la bonne. Oh putain. J'ai essayé de faire SLG, mais je connais pas en fait. J'ai pas les refs. Ouais, gros. Ouais, gros. Ouais, bah, non, carotte. Mais moi, ce que je trouve vraiment. Du coup, c'est de trouver. Pour les 8 meurtres, 8 façons différentes de tuer avec ouais, une carotte. 8 légumes. Ou 8 légumes. Tu sais, un 8 peu comme... fois la carotte, mais 8 manières différentes. Un peu comme Jean Dujardin dans Le Dain, où il se fait un peu une arme avec ce qu'il trouve sous la main, donc des pales de ventilateur. Est-ce que tu pourrais éviter de le spoiler pour de vrai, par contre, parce que moi je l'ai pas vu celui-là et j'aimerais bien le voir. C'est pas un spoil, hein, c'est. C'est... Non, mais ça gâche tout le film, là. C'est au bout de... c'est juste au bout de 3 quarts du film, donc c'est pas un spoil. Ça va. Mais, non, mais c'est pas un spoil, ça spoil rien. Non mais c'est quand même le pivot dramatique du film. Mais c'est dans. Mais. Bah, je suis désolé, mais je dis ça pour Martin Matin qui est avec nous. C'est vraiment le pivot du film. Tous les matins en se levant, Martin Matin. J'adore bon, ce gag. Bon écoute, pipi, ça va. Hein. Des ailes de putain. Dragon. C'est de cool, dragon. Romorantin. Je m'en remettrai jamais. Ah, n'a aucun sens. Podcast cinéma, je rappelle. On n'a pas parlé une seule fois de valeur de plan, ne serait-ce que ça. Bon, si, on filme tout en plan large. En plan large. En plan large. J'ai tellement large qu'on est vraiment beaucoup trop loin. Quoi. Et même les micros, ils sont un peu longs. On entend comme ça. Et donc, tu as tué... Ah, le mec qui meurt de loin. Avec un bon gros écho. Alors comme ça, vous êtes serial killer. Écoute-moi bien, tu vas me dire pour qui tu bosses. Bref. Je suis vieux. Putain, je pleure de rire, clairement. Je suis très fatigué. Moi, j'ai voilà, c'est un podcast cinéma maintenant, on a parlé technique. Bon alors, les focales. C'est la même chose, les focales et les angles de déchets. Non. Bah, un grand angle, c'est une courbe focale. Non, t'as la distance à laquelle du sujet aussi. Donc, écoute, tu veux m'apprendre la technique alors que la technique, tu ne la connais que un peu. Je rappelle que j'ai fait un BTS audiovisuel et qu'il a fait une école privée, donc il a payé pour avoir un bout de papier, alors que moi, j'ai appris des trucs, vous voyez ce que je veux dire. Waouh, ça clash. Ah, j'ai tout de suite perdu ma lame de rire et c'est transformé en larme de tristesse. Et du coup, alors, elle se fait des armes avec les légumes du potager. Voilà. De mamie. Alors que des carottes ou tous les légumes du potager. Ce serait marrant n'importe quel carottes, mais en vrai, non mais on trouvera pas une moyen potiron, de un potiron, c'est hyper dur. Ah voilà. Ok. Elle peut faire de la purée, tu vois, elle la fait avaler jusqu'à ce que la purée. Moi j'avais pensé aux carottes râpées. Ouais, voilà. Aux carottes râpées qu'elle lui rentre dans le nez. On peut râper, on peut faire des soupes. Ouais, mais on peut rôtir, enfin voilà. Non mais je veux dire, les carottes c'est quand même un plat, enfin un aliment qui accompagne tous tes plats. Bah voilà. Voilà. Ou les coupes en rondelles, tac tac tac, par un exemple, petit peu de beurre. Moi non, peut tailler des mini shuriken dans des petits pois. Oui, mais elle en fait beaucoup hein. Voilà, il y a plein de trucs à savoir. Et comme en plus, la mamie elle avec du Monsanto, ça fait voilà des légumes que si après il les lance et que ça, il les ingère, en fait, il peut mourir dans plusieurs années plus tard. C'est quoi cette construction grammaticale ? Ça veut rien dire. C'est pas bon du tout, ça. Mais c'est compliqué de réfléchir, d'inventer un truc est-ce qu'il et fait de dire en même temps. Des mises en scène, tu vois, genre avec les légumes aussi, genre, mais des trucs un peu, évidemment, parce que c'est un film de serial killer basique, donc un peu sexuel, tu vois, genre avec des bananes et des oranges et des bails comme ça. Ouais, et, bah oui, il laisse toujours. Après, bananes, c'est fruit exotique, donc ça vient de loin. Donc. Pas très écolo pour quelqu'un ouais. de vegan. C'est on fait avec c'est les légumes divers. C'est contraire à la psychologie de notre personnage, ça. Tu vois, genre les choux, les trucs dégueulasses, genre les choux, les batavia. Le navet. C'est dégueulasse. Comment tu fais une arme avec de la batavia? Vu que c'est il y a énormément d'eau dedans, tu l'étouffes avec. Ah, tu noies. Genre tu presses en fait voilà. la salade. La salade. Pour exactement. Récupérer l'eau en fait le. Oui. Le jus, l'essence, le nectar. Et, le meurtre à la mâche. C'est le titre du film, non. À un moment, j'ai cru, mais en fait, non. Non, c'est Joe d'Assassin, même si ça n'a rien à voir avec le non, film. Non, c'est le titre de l'épisode du podcast. Ah oui, mince. Si on fait ce qu'on veut, c'est notre... Joe d'Assassin. Non, mais en vrai, ça peut être le nom du vieux Joe d'Assassin. Et genre... Ah, voilà. Est-ce qu'à un moment on ferait pas croire que c'est lui le tueur, tu vois? Ouais. Oh oui. On le fait croire que c'est lui, tu vois, avec sa haine des véganes et à mettre des légumes partout et tout. Il veut faire passer ça pour un acte de. Genre on trouve des couches usées sur les scènes de crime. On a trouvé. Ça m'étonnerait que cette femme soit végane. Elle a des couches. C'est marrant parce que ça n'a aucun rapport, mais. Ah. Pardon? On a trouvé de la viande dans les excréments. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais dire. Tu vois, genre, à un moment, on trouve des excréments, et voilà, on a trouvé de la viande, des excréments, et ça serait très très drôle. Et du coup, on se dit, mais c'est pas un vegan, du coup. Et on se dit, ce qui serait marrant, c'est qu'ils disent, on l'envoie au labo pour analyse, la merde. Et au labo, en fait, ils ont aucun instrument d'analyse, ils goûtent juste les trucs. Comme les espèces de bière grille, etc. Non, oui, mais ils regardent juste les aliments de très carottes, très près. Ils n'ont pas le microscope, donc piment. Juste ils approchent. Ah, de l'agneau, petit pois carotte. C'est donc pas un vegan. Voilà. Il faut comme dans le film de Philippe Catherine, on filme de la merde pendant 30 minutes. Ah, ils ont des Tupperware de ouais, dans la, ouais. Le film Peau de cochon de Philippe Catherine. Il y a en fait c'est 13 petites scénettes. Moi, ça, j'aime c'est intéressant. Bien. Mais par contre il y a une scénette où il filme son caca pendant des caca dans des Tupperware pendant longtemps. En fait, il faut savoir que Philippe Catherine collectionne son caca. Il les met des Tupperware et il les garde. Du moins, il collectionnait, fut une époque. Il mettait tous ses excréments dans des Tupperware qu'il mettait au frigo, dans un frigo spécifique. Il le fait déjà, ça, non? Il a sa collecte d'albums chez lui. Oh là là, ça, c'est ça, mais j'aime bien Philippe Catherine. Moi, l'album, ça se met dans un frigo, t'es débile. Ah bon? Et c'est pas du caca. C'est pas fait de matière fécale, c'est avec du coup, voilà la référence. Et il en parlait, du coup, dans son film Peau de cochon. D'accord. Mais du coup, on va pas du tout regarder ça et on va passer à autre chose. Non, mais on a déjà pas mal d'éléments, les analyses fécales, tu vois, voilà, le vieux. Mais pourquoi en fait il y a de la merde sur les bah, la couche, il laisse sa couche. Mais pourquoi il laisse sa couche? Ouais, en vrai, si c'est pas lui le tueur, c'est nul. Sinon, on peut justement, tu vois, on trouve de la merde et il fait oh, c'est moi, et tu vois, il fait genre je viens de le faire. Oui, il le alors fait qu'il sur l'avait fait il y a, tu vois, enfin, on peut penser qu'il l'avait fait il y a plus longtemps. Tu oui, vois. Voilà. Ah, en gros, dès qu'il arrive sur une scène de crime, il la contamine à mort, touche à tout. Bah oui. Du coup, on sait pas. On a trouvé du sang et des excréments. Oh, ça, c'est encore Hubert. Oh, bah j'avais une petite envie, quoi. Il pisse sur le cadavre. Oups. Bah sur lui-même déjà. Ah parce que c'est un cadavre. Ouais. C'est marrant. C'était pas mal. T'as aucun respect pour le seigneur toi. Non. Ah j'espère enfin, vraiment qu'il y en a pas qui nous écoutent. Hein. T'imagines il y a des gens de plus de 50 ans qui nous écoutent là. Non mais attends c'est pas n'importe quel vieux. C'est un vieux de merde. Là c'est quand même le vieux ultime qui. Le boss de. Le vieux ultime. qui est raciste. Qui est carniste. Qui se chie dessus, qui se pisse dessus et qui rote en parlant, qui a la canne de là-haut avec les balles de tennis, et qui finit en lit, et qui est homophobe, ouais, voilà. Non, mais ça, on n'a pas besoin de le préciser. Si, on le précise. Ok. Il n'y a aucun rapport avec les gays. Il y a un moment, par exemple. Il dit juste, j'aime pas les gays. Bon, bah. En fait, ça se passe en juin, c'est le Pride Month. Et à un moment, il fait ah, bah ça y est, maintenant, c'est le lobby! C'est terrible parce qu'à la fin on lui donne raison en fait, tu vois, c'est ça qui est trop bien. À la fin c'est vraiment une végane qui fait tout ça. Bah ouais, c'est un peu drôle parce enfin bah, c'est un peu le qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu des films policiers. C'est ça. C'est meilleur quand même. C'est ouais, j'avoue que c'est plus fin. Tuer quelqu'un avec une carotte dans la carotide, moi je trouve ça déjà plus drôle que l'entièreté du film. La carotte dans la carotide, c'est très très drôle, hein, putain. Oh, putain, t'as vraiment réagi comme si c'était pas. Alors, est-ce qu'on. La scène de profilage, elle pourrait ressembler à quoi? La scène. Bah, c'est le vieux qui l'a fait. Ouais, non, mais si, on va pas faire tourner tout le film autour moi, de j'aime ce bien, j'aime bien. Si. En fait, c'est lui. C'est notre atout majeur. Non, on peut ramener un autre personnage, genre un espèce de psychologue, tu vois, à la con, mais avec un autre délire, tu vois. Bah, non, d'accord, le vieux. Non, mais vas-y, propose. Non, mais c'est vas-y. C'est le cliché du geek à lunettes, mais il est débile. Il zozote. Non, justement, c'est un geek à lunettes habillé en, hyper en chemise à manches courtes, etc. Non, mais tu sais, comme dans tous les clichés des. Mais c'est vrai que geek à lunettes, j'ai dit hyper classe. Non, geek à lunettes moche avec plein de boutons, etc. Comme le bon gros cliché des films. Et en fait, il est débile. Mais comme le cliché non, de base. Non, parce que le cliché, non, ils sont quand même bons en informatique. Ils sont très bons en informatique dans ce qu'ils font. Ils sont moches, je vois mais pas ils sont efficaces. Ah, du coup, on inverse le cliché. Genre, il est con, mais par contre, il pécho tout le monde. C'est un vrai dieu. Non, justement, il est moche et con. On inverse ça. Donc, il est juste con en plus. On commence à écrire Cyprien là, je comprends pas. Le film. Ouais, le film. Pas la personne publique. Pas Cyprien Yov. Oui, non. Et tu vois, il fait du profiling, mais avec Twitter, tu vois, il est genre... Alors, je suis allé voir tous les retweets des vegans sur Internet. J'ai trouvé plus de 50 personnes qui ont dit mort aux bourgeois. Et qui ont donc des volontés de meurtre. Merci François, tu nous es utile dans cette enquête. Ah non, pardon, je l'ai mal fait. Et du coup, merci ils François, mais du coup, c'est qui cette enquête. Mais du coup, c'est qui Fleur du 78, là? Ah bah ça on peut pas savoir hein, c'est Twitter hein, c'est anonyme. Ah si elle le dit pas, c'est elle le dit pas. Hein. Mais elle a mis une photo mais c'est une image de personnage de dessin animé. Non mais c'est pixelisé donc. Ils n'arrivent pas à télécharger le JPEG. Quand je zoome. D'habitude dans les films policiers quand ça zoome, oui, c'est pas pixelisé. C'est net. Alors, bah, c'était un sketch de Suricate de Golden Moustache. En fait, quand on lui demande de faire la description de la personne, il lit la bio Twitter. Alors, misandre et féministe, attachante. Aime bien se colorer les cheveux. Ah putain, c'est marrant. Ah, mais attends, là par contre, on part dans le gros cliché méchant. De Bah des films. Mais en fait, tout le monde est un cliché. Méchant, raciste. Dans le film. Bah oui, mais même on donne raison aux connards à la fin. On précise, on ne pense pas du tout ce qu'on est. Mais évidemment, on n'a pas besoin de le préciser. Attention, notre podcast va se faire. Qu'on fasse des clichés sur eux, c'est assez. Mais tu vois, genre, tout le monde est contre elle, contre la jeune policière végane, tu vois. Et on se dit, mais elle a raison, elle évolue dans un monde où tout le monde est anti-végan, anti, tu vois, genre sauf elle. Ouais. Bah à la fin elle a quand même tort parce qu'on est des gros cons, voilà. Mais quand tes rêves, tu es une tueuse. Non mais parce que en fait est-ce que la policière c'est la tueuse, parce que on arrête pas de dire, il y en a qui disent ça depuis le début du podcast, mais j'avais pas compris ça. Personne ne dit ça. Bah, ils viennent de dire tu es une tueuse en parlant à la policière. De la police. Mais non, poursuis tes rêves, genre. Le micro, Antonin, dans un podcast. Mais non, mais dans le film, on entend tout de loin. Oui, alors. Non, mais en gros, on n'arrête pas de dire. Désolé, j'ai posé une question à la con. On est tous d'accord, du coup. Ouais, c'est bon, on est tous d'accord. Merci, j'accepte tes excuses. Allez, bon, je vais pas répondre à la question, du coup. Voilà. Non, pour répondre à la question. Je sais pas. Tu veux que je le remette ? Ouais. Tu peux le dire, hein, c'est pas grave. Dis-moi pourquoi. J'aimerais qu'on parle pas pendant genre 5 minutes. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes. Maintenant qu'on est sûr que tout le monde est parti, on va pouvoir faire nos blagues racistes. Allez. Car c'est ce qu'on est au fond de nous, des racistes. Donc ouais, le personnage du geek, on valide, hein. C'est une bonne ouais, idée. Ouais, ouais, il est bien. Alors, on le fait pas zozoter, c'est un peu trop. Si. D'accord, alors je le joue dans ce cas-là. Ça sera facile. Non mais c'est bon, le mec il se réserve un rôle tranquille, ça va. Tu veux faire le vieux? Bah ouais, de ouf. On te met les effets quoi, numériques. Alexis des, bah, le serial killer et policier. Pourquoi moi, le serial killer? Alexis, bah, ça me paraît assez évident, Théophile. Enfin, bon, ouais. Parce que ce serait un peu cliché de mettre le gros connard de l'émission au serial killer. Exactement, et nous, on est contre les clichés. Je pense que nous filmons le propre. Ouais. Hein, les véganes. Ok. Et du coup. J'aime bien les moments de blanc après les. Ouais. Après les blagues trop longues, oui. Ouais. Ouais, tu les cultives. Et du coup. Comme les légumes. J'ai bio. Merci Adèle. Non, il est pas bio justement. Ah, plein de pesticides. Bah oui. Bah du coup elle est végane mais ça annule. Oui. Ok. Mais les gens sont plein de contradictions dans la vie. Ouais. Et c'est ça ah qu'il oui, faut montrer. Du coup elle a une psychologie vraiment très travaillée. Bah voilà. Mais on parle de la tueuse parce là. En fait, je suis désolé parce que comme on a une policière végane et une non, tueuse végane. La policière elle est pas végane. La policière n'est pas. La policière est juste progressiste. Ouais. Elle est peut-être végane du coup, on sait pas. Elle est végétarienne. Mais elle boit encore du lait parce qu'elle aime la police. Elle est flexitarienne. C'est ça. Elle est flexitarienne. Ah, c'est. Tu veux dire le mot qui veut dire omnivore, mais. Mais ça j'assume pas. Elle en mange que de temps en temps, le mardi. Donc omnivore. Ouais, c'est... Une autre côte le mardi, ça peut pas faire de mal à la planète. Il y en a à côté qui. Mais elle consomme local. Elle fait pipi sous la douche. Elle fait pipi sous la douche. Elle ferme le robinet quand elle se lave les dents. Il y a une scène en plan fixe de ses jambes où elle est sous la douche et on voit. Elle pisse. Et même, elle est tellement écolo qu'elle chie aussi sous la douche. Oh putain, mais les godes, le caca et le pipi, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode de ouf. Ah mais je sais même pas si vous l'entendez, vous êtes vraiment chanceux, hein, parce que. Ne vous inquiétez aussi, pas, on va tripler notre audience. Ça sera un épisode bonus. Il est excellent. Bon, dans les bonus DVD. Là, il reste pas beaucoup à écrire, quoi, finalement. C'est... Ouais. Oh bah toute l'intrigue, quoi. Comment on a le personnage du chef. On n'a pas trouvé le personnage du chef et il faut la scène où il va leur mettre la pression, le feu au cul pour résoudre ça. Oui. Ça on fait de l'ordre chronologique. Après le quatrième meurtre, on va dire. Genre les trois premiers, ils ont quelques suspects, mais il s'avère qu'ils ont tous des alibis à chaque fois. Et le quatrième dit « Bon écoutez les gars, j'ai la préfète au cul, ça va bien les enfants ?» Mais littéralement en fait elle est... Non mais elle est en train de me lécher le trou de balle là, bon là, c'est mauvais moment. Pourquoi ouais, j'ai la préfète au cul. Parce que c'est... Ah ah. Et mais alors le coup de la préfète moi j'aime bien, parce que c'est genre vraiment ridicule la préfète. Mais je pense qu'on peut trouver plus ridicule. Bon écoutez, j'ai le directeur de l'école Ferdinand Buisson au cul là. La conseillère municipale en termes d'éducation. C'est bien, j'aime bien. J'ai la CPE au cul. Vous avez vos autorisations de sortie là. La prof de maths de ma fille. Ah là là. C'est bien. Mais le problème, c'est que comme ça, tout est en gros plan, on verra la blague. Non, dès le début, tout est en gros plan. Non, plan très large. Ah oui, désolé, en on parle plan large. Très loin du micro. C'est hein le principe. Ah, on parle très loin du micro. Et même ça, tellement large que lorsqu'ils sont dans un bâtiment, on filme l'avant du bâtiment. Et du coup, on entend que la rue. On entend juste des vieux bruits clichés, genre police, arrêtez-vous. Vous êtes cernés. Bah non. Et ils sortent et ils font, on n'a rien trouvé dans ce bâtiment. C'était pas le bon, c'était celui d'à côté en fait. Ah putain. Mais j'ai dit 42, c'est 44. Ok, c'est pas un film, c'est une collection de diaporamas de bâtiments avec du son par-dessus. C'est un diapo. Presque un podcast. Hein. C'est un PowerPoint en fait le film. Ouais, ouais. Moi, pourquoi coup j'existerais. Donc non, arrête, les faux coupables aussi. Ouais. Ça on pourrait revenir. Mais du coup, est-ce que, si le vieux est un faux coupable, à quel moment on commence à douter de lui? À quel moment on arrête de douter de lui, tu vois? Mais ça, bah c'est à la fin en fait. À la fin, il y a le twist que c'est vraiment la meuf vegan. Mais le ouais vieux, en fait, on pense que ça va être le twist à la fin. Ouais. J'ai tapé dans mon micro. C'est pas grave. À le défaut vieux de taper dans Adèle. Et du coup, ça, je pense que ça va être le twist. Mais ce qu'il faut trouver, c'est des faux coupables marrants. Ouais. Le geek. Le mec qui fait le profilage. Il y a un moment il fait ah merde, selon toutes les preuves c'est moi. Bon bah j'ai trouvé mais ce profil. Mais qui est pas moi. Qui est impossible. Pourtant mes algorithmes sont imbattables. Genre il déterre un tweet hyper cisra etc. Et il lit le truc sauf que c'est son nom. Puisqu'il a juste noté son nom sur Twitter. Ah putain. C'est ça, et en fait il est en train de projeter, tu vois, les tweets qu'il est en train de lire. Et il y a l'inspectrice qui lui fait mais regardez, c'est et là il y a un gros plan sur le truc et on voit que c'est sa tête, tu vois. C'est grosse vous révélation. Bah, ah non, mais c'était il y a longtemps. Il faisait partie de la Ligue du LOL. Oh le putain. Bah, vu qu'on parle de Twitter. Et à la fin, il est tué, c'est pour ça qu'on arrête de croire que c'est lui. Ah oui. Il se fait tuer. En fait, chaque suspect, il se fait tuer. Ah, la scène de course-poursuite. Faut qu'il y ait une scène de course-poursuite avec le tueur. À vélo, du coup. Ouais, ouais, ça c'est bien ça. Ouais. À trottinette électrique. En hélice. Bah non, parce que... non, justement, le tueur est à vélo et le vieux il est, en voiture, est dans une gros, un gros SUV. Mais du coup, il va pas vite du tout. Un gros 4x4 bien polluant. Il roule à contresens sur l'autoroute. Il s'arrête et il met du diesel dans sa voiture. Mais du coup, à chaque plan, c'est pas logique parce qu'on voit le vélo qui avance à vitesse de vélo, genre 20 km/h, et le mec qui fonce, et à chaque fois, il se rapproche pas. Voilà. Ouais, c'est parce qu'il prend les mauvaises sorties, il est comme un pied. Il va hyper vite, mais il fait le tour de la ville. Parce qu'il comprend pas le GPS en fait. Il comprend pas la technologie, il a mis une autre adresse. Ah, mais comment ça marche? Il faut tourner à droite. Oh non, encore une bonne femme qui me dit ce que j'ai à faire. Je suis assez vegan, toi. Oh là là, qui c'est qui a mis sur fille? Promettez-moi les grosses têtes. Avec Philippe Bouvard. Et qu'est-ce que c'est que cette musique de Saint-Gouin, Damso? Oh là là, la musique urbaine, j'en ai ras la casquette, hein. Ah, il y a de la Kamoura, ça suffit. Voilà. Sacré personnage. Mais en fait, notre policière, elle sert à rien, c'est juste le vieux. Non, mais elle l'accompagne à chaque fois, et en fait, à chaque fois qu'il fait une phrase comme ça, elle fait... Mais du coup, elle fait que ça pendant tout le temps. Passe... c'est ça, elle passe son film à faire... elle fait, mais non, c'est pas les véganes, et à la fin, c'est les véganes. Et après, elle dit, bon, vous avez complètement raison, à bas les véganes. Ça c'est une femme forte. Et ça. À la fin, ça finit, elle vote pour Macron. Oh. Je sais pas, comme ça. Non, c'est en 2022. Non, il y a un moment, je suis contre le totalitarisme et les dictateurs, donc Macron, ça suffit. Oh putain. Wow. Message engagé. Ouais. Tu couperas ça. Parce que moi j'aime bien Macron, c'est pour ça que tu veux. Non, on avait déjà fait des blagues sur Macron de l'épisode de Pixar qui était mieux que celui-ci à première vue. Bah, il était mieux structuré, on va dire. Ouais, c'est très décousu. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on écoute un podcast pour de la couture? voilà. J'adore cette blague, putain, c'est faux. Je bon. Te déteste. Allez, faut finir là maintenant. Ouais. Mais on a même pas commencé. Mais si. Et l'intrigue alors? Bon, non, on est mais bien l'intrigue, avancé. L'intrigue, c'est bon. C'est une intrigue de film policier. Si on commence à écrire un film policier. Elle envoie des lettres aux journaux. des lettres codées ou je sais pas quoi aux journaux. Elles sont pas trop deux, codées. En papier elles craft, sont juste écrites dans une autre papier, langue. En papier c'est aussi. C'est marrant, genre, elle essaie, ah de, oui, elle fait, essaie de coder, mais en fait, c'est pas du tout codé, c'est juste en allemand. Ouais, c'est... En anglais. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je n'arrive pas à déchiffrer ces symboles. Guichaïse, Suzanne. Non. Guten. Qu'est-ce que c'est que ce dialecte? La carotteuse de Berlin a encore frappé. La qu'est-ce qu'elle foutrait à New York? Et bah... Elle aurait dû prendre l'avion, ce qui n'est pas du tout son genre. Elle est venue en barque jusqu'ici. Comme Greta, finalement. Greta Thunberg. Thunberg. Greta Burger. Dès qu'il va y avoir une vanne un peu politique, il va y avoir un blanc. C'est, ouais, c'est. De toute façon, il n'y a que des blancs dans cette salle. On rappelle que ce podcast est majoritairement constitué d'hommes blancs. Voilà. Qui parlent de sujets politiques. On a juste invité notre caution, Adèle Benganem. Du coup, la scène de course-poursuite, il faut une suite à cette scène de course-poursuite. Pas une deuxième scène de course-poursuite, mais des répercussions sur. Ils ont failli l'avoir. La tueuse, genre, ils ont failli la prendre de plein fait, mais ils l'ont pas eu, et du coup, ça baisse le moral, tu vois. Et en fait, à la fin, tu sais, c'est comme la tueuse a été à vélo, et en fait, ils se rendent compte que sur les deux derniers kilomètres, en fait, ils poursuivaient un autre vélo. Et ils arrivent. C'était un Deliveroo, tu vois. Ouais, voilà. Ah, je me disais bien que ce paquet Deliveroo dans son dôme disait quelque chose. Et il n'avait pas à l'aller. Et c'est. Il livrait un repas vegan, justement. À la meuf. À la meuf. C'est vous parce qu'on est en train de construire tout un univers de totalitarisme vegan. Bah non, j'adore. Justement, c'est. Parce qu'à la fin, les vegans, c'est les méchants. Ouais, ah, tu vois, mais dans un monde où il y a que des vegans, tu vois, genre. Il y a un carniste qui veut répondre à la bonne volonté. C'est le dernier carniste sur Terre. et en fait, il a raison, les vegans sont mauvais, tu vois. Au fond de. Ouais, du coup, dans le film, il a raison. Ouais. Non, ouais. Dans la vraie vie, il a raison. Écoutez-moi, les vegans. T'as un message à faire passer peut-être? Une haine, une rancœur envers quelqu'un? Oui. C'est ta fenêtre d'ouverture sur le monde, le podcast. Mais si on le fait, on le fait chacun notre tour. Hein. Vas-y. Moi j'en ai gros sur la patate. Moi j'ai des choses à dire sur une certaine frange de l'immigration. Je la voyais pas venir du tout. Mais le pire c'est qu'il reste stoïque. Vraiment vous avez pas l'image parce que c'est un podcast. Mais il dit sa blague et vraiment il reste... stoïque. Parce qu'il le pense, vraiment. Quand on a des convictions, au moins un peu. Ah là là, c'est un épisode qui va faire polémique. Ouais. Un épisode qui ne va pas qui être va diffusé. Pas faire de l'épisode interdit. Alors. Ça sera sur le bonus DVD. Et du coup, ouais, cette course-poursuite finit mal. Et. Oui. Et ils apprennent rien, il y a une baisse de morale et. Et quelque chose, quoi, ça fait quelque chose. Ah oui, mais ça, je pensais que t'avais sur quelque chose, parce que t'as commencé une phrase, donc je m'attendais. Non, je voulais qu'on relance sur le sujet. Ok. Bah, et quelque chose, il y a une baisse de morale, et là, il peut y avoir la deuxième scène du boss qui dit ouais, j'ai la CPE, l'école à côté, qui commence vraiment à me bassiner. À me courir sur le haricot. Voilà, bah, le haricot bio. C'est pas terrible. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Histoire de boire un verre d'eau, et j'ai très chaud aux oreilles, donc j'aimerais retirer ce casque. Ok, pourquoi pas. Bah écoutez, vu que c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on fait les pauses. Ils sont à la fin de l'enquête. Le geek est mort. Ouais. Oui. La poursuite à vélo n'a rien donné. Ah non, rien. On a beaucoup de suspicions, parce qu'on a retrouvé de la viande, les excréments du tueur, que ce soit le papy. Ouais. Mais ce n'est pas lui. Mais en fait, il s'était juste chié dessus dans une scène de crime. Et personne n'a vu, par exemple, son froc plein de merde. Genre... Non, parce qu'il porte des couches. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Pour des policiers, ils n'ont pas le nez fin. Genre, en fait, ils voient une merde par terre, ils se disent... Mais pas non, ça la devait merde. Être là. Ils se disent que c'était celle du cadavre. Mais en fait, ah oui, parce qu'il a discute au premier plan et tu vois derrière le vieux qui s'essuie, qui retire son pantalon, etc. Non, mais eux, ils sont concentrés sur le cadavre. Avec voilà, des c'est lingettes ça. Candou. Il est là, il demande aux gens, il arrête des passants, il fait « Vous savez, des serviettes hygiéniques. » La bite à l'air. Non, de dos, on voit juste ses petites fesses flasques. Oui, je l'ai dit, mais lui, il est la bite à l'air. Avec des poils blancs. Un peu dans le flou de, tu vois, le flou d'arrière-plan, ouais, quoi. Oui. Mais pas vraiment, genre, on le vit on quand même ce qui se passe. Parce qu'il est loin, mais qu'il crie vu qu'il est sourd. Avec son sonotone. Ah, oh, vous n'aurez pas de quoi nettoyer du coup. Okay, et donc, évidemment, on arrive à la fin. Et Alors, qu'est-ce que c'est? Comment qu'on course fait course-poursuite. La course-poursuite est finie, ils n'ont pas réussi à la voir. Uh-huh. La deuxième course-poursuite, celle de fin, où ils arrivent à l'attraper. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, ils récupèrent l'adresse grâce au Deliveroo qu'ils ont attrapé. Voilà. Ouais. Parce que le Deliveroo livrait le repas de la personne. Justement, le repas. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien. Ouais. Ouais. Go. Après, de plus en plus fort. Ils y vont. Ouais. Et en fait, il l'a ouais, ouais. Alors en fait, c'était la CPE. Du coup, vous êtes en état d'arrestation. Eh merde, putain, j'y étais presque. À deux doigts, à deux doigts. Si ces enfoirés de gamins et leurs chiens n'étaient pas... Deux doigts. Si ce vieux qui se pisse dessus et cette jeune progressiste ne m'avaient pas trouvé. Et en fait, c'était la CPE. Ah, j'étais à deux doigts de m'en plaindre. Mais c'est elle, la progressiste, justement. C'est la tueuse. Quoi? Mais non. Non, la progressiste, c'est la policière. Ah oui, et la vegan, c'est la tueuse. Bah, ouais. Vegan, t'es un peu progressiste. Tu nous suis depuis deux heures ou... Mais vegan, t'es un peu progressiste. 1h20. Il y a des vegans racistes. Okay, non, mais la progressiste, ouais, c'est l'héroïne. Mais elle n'est pas vegan, tu vois. Pas tous. Et il y a la vegan. Après, sur les autres sujets, on sait pas quelles sont ses positions. Hein. Okay, okay, ça se trouve, elle vote Le Pen en étant vegan. Hein. Ok, ok. Elle mange local parce que c'est aux couleurs de la France. Oh. Oh. Mais du coup, c'est qui elle mange que des fruits bleu blanc rouge. Bah elle mange des navets parce qu'elle a pas envie d'acheter des myrtilles, ses enfants des navets, oignons, myrtilles. Voilà. Ça c'est la France. Attends quoi? Bah myrtille c'est bleu. Tomate plus navet, qu'oignon. C'est blanc. Et oignon rouge. Ouais, tomate plus. Tomate c'est espagnol. Alors que salade tomate oignon c'est rouge et vert comme l'Italie. Chips. Mais non, l'Algérie, non, le drapeau algérien. Quoi? Comme quoi? Le drapeau algérien. Ouais, c'est vrai aussi. T'as les mecs européens bah, le centré, bah, c'est quoi. Blanc aussi, c'est rouge vert blanc. Non, c'est pas très blanc. Bah, l'Algérie, il y a du vert. C'est pas oui, c'est blanc, les oignons. Salade tomate oignon. Ah, OK. OK, ouais. T'as pas compris, j'ai glissé une phrase raciste en scred hein. Ouais, c'est pour ça que c'est pas dans le montage. C'est il y a des petits petits jeux interactifs pour ceux qui veulent retrouver mes phrases racistes, je les ai dites très voix très basse. Pour gagner le troisième god. Alors c'est pas un god, c'est un ça va être drôle. Un cock ring en fait. Ah oui oui, le cock ring. Le cock ring. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cock ring? Alors vous le mettez autour de votre pénis et ça stimule en fait le clitoris de votre partenaire. Donc c'est vraiment pour Mais si on aime les mecs, on fait comment, Théophile? Voilà, c'est pour les personnes hétérosexuelles. Ça peut stimuler la prostate, non? Ou ça marche que avec le clitoris? Non, c'est un rond. Ta prostate est à l'intérieur de toi-même. Ouais, mais ça aurait pu être un rond. Ça aurait pu être un anneau assez fin pour qu'il passe en même temps. Après, on est plus dans un podcast ciné que sexuel, hein, mais... Voilà. Mais quel diamètre? Moi, je veux savoir précisément. Parce que je n'ai pas l'info, bien sûr, on pourra faire en sorte de trouver chaussures à votre pied, ou en l'occurrence, anneau à votre anal. Non, parce qu'on avait dit que c'était pas pour ça. Voilà, donc on le fait gagner. Donc à qui, celui-là, on le fait gagner? Celui qui arrive à trouver toutes les petites phrases racistes que Alexis a glissées. Ouais. Okay. Mais en fait, j'en ai lâché qu'une seule, donc. Le premier qui. Je vais essayer d'en mettre un max là, les dernières minutes qui nous restent. En fait, s'il te plaît. Il y en a qu'une seule qui est cachée. Il a pas dit une seule phrase raciste, évidemment, mais il y en a qu'une seule qui est cachée. C'est vrai. Bah, du coup, vous mettez 5 étoiles plus la petite phrase raciste et vous recevrez, sans doute une plainte d'Apple Podcast pour racisme. Mais attention, si vous trouvez une phrase raciste mais qui n'était pas cachée, ça compte pas, évidemment. Soyons clairs. Hein. Voilà. Donc, le twist, et finalement, grâce au Deliveroo, ils arrivent chez la meuf vegan qui était la CPE, puisque c'est le seul personnage qui est pas mort et qui est une femme. Voilà. La seule personne d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle pressait l'enquête, parce qu'elle savait que ça allait être bâclé et qu'il n'allait pas pouvoir remonter jusqu'à elle. Mais on est d'accord qu'à ce stade-là, le vieux il est sur un brancard. Il est au bout quoi. Ouais. Il a du mal. Voilà. Comme nous là maintenant, là, il a du mal. On est d'accord. Adèle. Sauf que on est d'accord, le vieux il est sur un brancard. Sauf que la policière progressiste. Elle croit pas que c'est la CPE. Elle croit que c'est encore un coup du vieux. C'est un triple twist. Et là, et en fait, et le vieux... Bah, il dit... Et il enlève son masque, en fait, c'était une jeune végane. Qui faisait exprès de se chier dessus. Pour le kiff. Et qui a mangé de la viande pour brouiller les pistes. Je t'ai bien eu, progressiste de merde. Alors comme ça, on en mange tous les jeudis. Ah, moi j'aime bien ce twist. Tu sais, il retire son masque en caoutchouc et sur le plan du cut. Le micro, demain. Bah, il est très bien. Il est beau, il est rond. Tu joues pas du micro. Dans le micro. D'accord. Plus dedans, plus. Comme ça. Bonjour. Quel enfer. Tu veux mettre tes dents dessus un petit peu comme ça. Arrête. Je vais te faire du mal, je pense. Non, mais tu sais, il enlève son truc en caoutchouc. Et quand elle l'enlève, on se rend compte qu'il était nul à chier, son truc. Ça, c'était un vrai acteur qui le jouait pendant tout le film. Et quand il retire son truc. Ah oui! Son... Il y a c'est un cut. Il y a genre un vieux cut, tu vois, et une meuf. Ça va pas du tout. Ah bah elle voilà. Est toute fine alors que le mec il était méga balèze. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est un cut, et bah allez faire d'une fac de cinéma. Branleur. Regarder un film, au moins un quoi. Ouais, ou enfin tu peux regarder un film et pas savoir si c'est un pas cut. Pas Birdman du coup par contre. Si, il y a des cuts mais cachés. Oui, mais du coup tu vas pas le faire, ça va être compliqué quoi pour. Oh là là. Ou la corde, pas la corde. Il y a des guillemets. Ou Victoria. Je croyais que t'aimais pas Hitchcock, pourquoi t'as maté la corde? Je l'ai pas maté. Ouais, c'est bien ouais. Ce qui me semblait. C'est bien ce que je disais. Non mais je disais justement de pas. Oh mais ça va, il y a des cuts dans la corne. Les enfants, on va pas s'engueuler. Oui, c'est vrai. On vient de découvrir que le vieux est une jeune végane qui tue des gens. Ça vous suffit pas? Non. Ok bon. Il en faut plus. Non mais moi j'aime bien ce. Une jeune végane qui tue des gens. Du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il l'envoie en tôle à la fin. Faut trouver une fin sympa, genre une fin un peu en demi-teinte. Il peut y avoir une suite. Voilà, en mode peut-être qu'elle s'échappe ou enfin il y a un indice. Qui nous laisse dire que c'est, peut-être que c'est pas fini quoi. Ou que c'est pas elle. Il y a une punchline à la fin, elle se fait servir son repas en prison et il y a de la viande et dit dommage. Bah, c'est le mot de la fin. C'est vraiment la scène finale. Et après, il y a une musique de Joe Dassin qui se lance. Allez, générique. Il y a le nom du réel qui apparaît et on voit les noms défiler sur une chanson de Joe Dassin. Eh bien, merci à tous, merci d'avoir été présents. Merci aux tipeurs de nous avoir donné merci énormément. Merci aux tipeurs de nous avoir donné de l'argent. Vous merci avez aux un Tipeee per... Non. Non. Non, on n'a pas de Tipeee. Ouais. Voilà, c'est la fin. Je vais enlever Joe Dassin. Je vais juste faire la grosse annonce qui n'est pas du tout une grosse annonce, qui est une vanne en fait. Juste que je voulais faire la vanne. Ouais, vous pourrez me retrouver pour le Floodcast en live, mais juste je serai dans le public. Mais du coup ça a pas du tout marché. Donc, ah oui. Donc voilà, si vous êtes bah t'avais raison, ça marche pas. Allez, comme toi, comme le vieux. Ah oui. Mais ils pourront vraiment en tout cas te retrouver là-bas si vous y allez. Vous pourrez me voir si vous y allez. Voilà. Si vous allez voir le Floodcast en live. Et si croyez-moi, pas... ça vaut le détour. Et il fait plus petit en vrai. Bah oui, apparemment j'ai une voix de grand alors que vraiment pas. Bah c'est ce qu'il a dit Alexis. Comme petit pied. Il est pas très grand, petit pied. Mais il a une voix de mec qui fait 1m90 et 90 kilos. Il a une voix très très grave. Il est un peu plus grand quand même que je crois qu'Antonin. Il a une belle voix. Allez écouter le podcast avec petit pied. Très bien. Comparé à celui-ci. Non, celui-ci était très très bon. Les invités indisciplinés là aussi. Est-ce qu'on peut revenir pour le prochain? Je pense pas, non. Oui. Moi je voudrais faire que. Genre, mais pas non, pour. Mais la vraie dans, question pas pour dans, c'est, est-ce qu'on a envie de revenir pour le pas prochain? Pas pour dans une saison, pour le prochain, tu vois. Oui, j'ai compris. Ok, vous avez entendu les auditeurs. Si on revient pas, ils vous ont menti. Eh, mettez la barre de pouce bleu pour qu'ils reviennent. Eh, si vous explosez votre record d'écoute avec celui-ci, on revient pour le prochain. Il y a peu de chance. Ok. Moi je reviendrai s'il y a plus de 3 blagues racistes dans les commentaires. Mais alors, va falloir. Il y a pas de commentaires. Il y a pas de commentaires. Mais attendez, bah, on m'a menti depuis tout ce temps. Non, mais il y a des commentaires sur Apple Podcast, mais tu notes le podcast, pas l'épisode. Oui, ah. C'est le podcast. Ouais, mais mettez des commentaires racistes qui concernent tout le podcast. Ok. Par exemple, j'ai pas aimé les épisodes avec Adèle Ben Ralouf. Vous savez, le seul un petit peu pas blanc. Quoi, le seul. C'est ouais, voilà, c'est ça. Vrai en fait dans tous nos invités. C'est terrible, mais ce podcast. Comment c'est que tu cautionnes ça, Adèle hein. Je m'en bats les rats. Les rats. Les rats. Je m'en bats les rats. J'ai des rats. J'ai des rats chez moi. Je frappe. C'est pas, très c'est pas vegan, vrai, j'ai ça. Un lapin. J'ai un lapin et il est aimé. C'est pas très vegan. Aimé et caressé. Ok. Eh bien, très bien. Bah, est-ce qu'on va, on va conclure, dire un peu où est-ce qu'on peut nous retrouver chacun de notre côté. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez éteindre maintenant. Et sinon, voilà. Et vous avez probablement déjà un bien avant. Ouais. Donc là, j'ai loupé un mot dans ma phrase. Déjà. Oui, oui. Vous avez déjà bien avant. Ouais. Vous avez déjà probablement coupé bien avant. Il est tard. Hein. Allez. Moi, j'arrête toujours l'émission juste avant l'écriture du scénario quand je l'écoute. Ouais. Vous pouvez regarder sur mon compte Spotify. Ça s'arrête à chaque fois au milieu. C'est marrant. C'est bah ouais. Et c'est vexant. C'est un peu vexant, ouais. C'est tout venant d'un. Mal. Surtout venant d'un invité. Alexis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur la chaîne YouTube Lector Infabula. Allez jeter un œil, absolument. Voir deux si vous en avez deux. Mais c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est vraiment quali. Hein. C'est vraiment fantastique comme chaîne. Bah, c'est pas adorable. Kali, c'est Alexis. Ouais. Non, Kali, c'est le mec qui chante. Bah, explique un peu. Enfin, t'as déjà expliqué en début, mais peut-être pour rappeler aux éditeurs. Bah, c'est des analyses de films que j'essaye de faire le plus rigoureusement possible en essayant de m'appuyer sur des articles scientifiques. Mais après, j'ai pas de prétention à faire un travail scientifique. Ah oh, bah, tu fais bien parce que c'est un peu de la merde. Ouais. Wow. Et toi, t'as pas de prétention à faire de l'humour, non? Non, bah, j'ai jamais. Et du coup, pour l'instant, t'as fait Mad Max. Ouais, j'ai parlé de des comment l'action est filmée dans Mad Max. J'ai parlé. J'ai beaucoup aimé. Ouais, tu l'as bien aimé. Ouais. Elle est très bien allée. Non, non, mais je le dis sincèrement. Même quand je dis un truc, je le dis vraiment sincèrement. J'ai l'impression de me faire insulter. Mon cool, il était très sincère. Ouais, bah c'était. Le ferme ta gueule, par contre, il l'est aussi. Oh là là, oh là là. Et on les invite vraiment. Et du coup, l'inquiétante étrangeté. J'ai aussi parlé de ça. J'ai parlé d'Harry Potter, mais je suis pas très fier de la vidéo. Elle est chouette, elle est moins documentée que les autres. Voilà, elle est moins documentée, elle est moins rigoureuse. Ouais, elle est chouette. Et j'ai parlé de Tarantino et le suspect. Voilà. Bah oui. Donc si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Et il continue de me taper dans le dos Fabula, après deux heures de podcast. Lector in Fabula, c'est disponible aux éditions Gallimard. Tout de suite, Adèle. Je suis inquiet. Alors moi, pour pas qu'on pense que je ne fais rien à chaque fois que je viens dans ce podcast, ce qui est un peu vrai quand même. J'aide à l'insertion de jeunes acteurs et réalisateurs dans le milieu du cinéma pour une association. Et ça, voilà. Et ça, on dirait un travailleur social dit comme vous ça. Vous ne pouvez pas m'y retrouver. Vous pouvez pas m'y retrouver. Mais Inch'Allah, un jour vous. Bah, si vous êtes un jeune réalisateur ou acteur dans le milieu du cinéma, n'hésitez pas. On sait jamais. Adèle vous aidera. Et puis, sinon, en vrai, il l'assumera pas, mais je co-écris tous les lecteurs in Fabula. Je donne mon avis et ça s'appuie à 90% sur mon expertise. D'ailleurs, dans 20 ans, un livre sortira, un livre à scandale. Le making of. Détruisant le mythe, Alexis. Lecteur in Fabula. Et réhabilitant. Un commentaire. Et réhabilitant le mythe Adèle Benganem. Tu vois, en plus, ça sera vraiment le blanc qui vole ses idées. Exactement. Et ça sera une belle victoire sur le racisme. Et voilà. Et en plus, et on partagera les fonds parce qu'au final, ça du coup, ce que vous faites, exactement. En fait, en lui volant son travail, ce que tu fais, c'est un peu progressiste. Mais c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. C'est pour la gloire future. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais que ça soit coupé pour vraiment qu'il y ait la surprise dans ma tombe. Ouais, le twist. Ça sera un best-seller ce bouquin. Ah oh bah écoute, la prochaine fois que tu touches mon micro, je baisse ta race. Mais tu n'arrives pas à parler dans le micro. Bah ouais. Théophile. Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur internet Théophile-AV sur Twitter et Instagram, ainsi que no.reason.drawings sur Instagram également. Je fais du dessin, je fais un podcast et voilà. C'est tout. Antonin, ouais. Peut-être as-tu d'autres projets? Ouais, j'ai plein de projets, plein. Incroyable. Mais ça sort pas. Non, en vrai, vous me retrouvez Nina sur Twitter, Instagram et YouTube. Ouais. J'ai pas compris, tu peux répéter? Nina. Ninotna. C'est Antonin à l'envers. Antonin à l'envers avec un Y. Tu t'appelles Antonin? Ouais. Pas Margoulin? Pas Romarin? Attends, c'était quoi? Romorantin! Bah, en fait, je vais changer mon Twitter. Bah, Joe d'Assassin? Romorantin. Ok, sac à main. Allez. Eh bien. Je serais très fort pour écrire les noms dans Astérix. mais voilà, et j'ai un très gros projet, mais qui doit sortir dans très longtemps. Ok. Eh bien, pour finir le podcast, on va chacun dire un prénom qui finit par 1. Alexis, commence. Un prénom. N'importe quoi. N'importe quoi. Un truc qui finit par 1. Mais vite, parce qu'on s'emmerde. Rintintin. Tintin. Clavecin. Romarin. On l'a dit 14 fois. Allez, bon podcast. Je voulais dire Benjamin. Salut. Allez, bonne fin de trajet dans le métro. Quelle horreur! Ça enregistre encore! C'est ça le mot!